Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Tendre Père, nous voici réunis ici à Yaoundé avec les anciens, les dirigeants d'ici. Père de gloire, nous sommes entre tes mains et nous prions Dieu de gloire que si tu as des instructions à nous donner, que tu nous donnes. Nous recommandons entre tes mains. Nous voulons voir ta gloire à notre milieu. Nous voulons au Dieu de gloire que tu nous utilises. Ô Père, donne-nous ce pourquoi nous avons besoin. Équipe-nous, Père de gloire, pour la mission que tu as confiée à chacun de nous ici. Nous nous soumettons à toi, nous soumettons nos cœurs entre tes mains. Nous soumettons au Dieu de gloire nos pensées, notre âme entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Avant de commencer, ce ne serait pas bien de venir avec la chaise comme ça, vous êtes dispersé là-bas comme Israël. Si c'est possible, au moins que vous soyez à l'aise comme ça, c'est bon. Vous êtes à l'aise. Ok. Ensuite, ton micro. Si l'arrêt que vous voulez enregistrer, donc pour bien vous les enregistrer, vous pouvez mettre le téléphone là pour enregistrer si ça ne vous dérange pas. Parce qu'à distance là, ça ne peut pas prendre la voix. C'est ça, non? Ben, souvenez-vous, on a des gens qui vont venir pour la prière. Donc s'il y a quelque chose à manger, ce sera après cela. Donc c'est une espèce de jeûne. Après, on va faire ce qu'on va faire maintenant. On va se mettre en prière. Les vrais prières arrivent. Les gens arrivent. On va prier. Si c'est votre téléphone, passe vibreur. Quand on va appeler là, ça va sonner. Et puis ça va vous déranger. Et coupez votre enregistrement. Voilà, si vous avez des questions d'abord, sur n'importe quel plan, vous posez. Est-ce des questions, les frères? Personne n'a de questions. Oui, bon. Je voulais te déterminer par rapport à l'âme, l'esprit, le corps. Parce que, d'ailleurs, parce que j'avais mon frère, bon, ça a été un peu subi dans mon esprit. Il a un peu statué là-dessus, arrêté une fois. Oui. L'âme, l'esprit et le corps. Oui. Si on observe les animaux, on observe les êtres humains, est-ce que le souffle de vie ou les animaux, oui, ont-ils l'âme, l'esprit et le corps, tel que les hommes aussi ont l'âme, l'esprit et le corps. Quand on regarde, ils ont le corps, certes, nous avons le corps. Quand on regarde, ils respirent, nous en respirons aussi. Oui, mais est-ce qu'ils ont ces deux autres entités parce que nous savons que l'âme, c'est le réservoir. Les passions et toutes ces choses-là. Oui. Mais est-ce que eux aussi, ils ont cette partie-là, recevoir des passions et tout, ou tel que nous avons l'esprit et on nous enseigne, et tel que c'est écrit dans la parole du Seigneur, avec les autres doutes, que lorsque l'homme meurt, l'esprit retourne directement à Dieu. Alors, est-ce que directement aussi, eux, ils ont aussi cette troisième entité, que l'esprit aussi retourne directement Quand tu as lu la Bible, tu as vu que la Bible dit quoi des animaux par rapport aux animaux? Par rapport aux animaux, je sais, comme je disais, lorsque Daniel est arrivé, par exemple, à parler au roi de Nebuchadnezzar par rapport au songe, oui, et la Bible fait comprendre que après, son cœur d'homme, a été changé. Son cœur d'homme a été changé, bien que l'animal, au point où il a fait 7 ans dans la fosse, et vivant avec les animaux, et après le peuple l'a réclamé. Son peuple l'a réclamé, revenant en lui, son peuple l'a réclamé. Après les 7 ans, il a accompli. Alors, j'aimerais vraiment, parce que dans les paroles aux animaux, on parle aussi dans l'éthique par rapport aux animaux impurs. Oui. Et on ne parle pas trop de l'esprit animal. Je n'ai pas encore vu ce terme-là. De l'esprit animal. Oui. Donc j'aimerais vraiment statuer là-dessus. Oui. Bois de quelqu'un, bois de un des anciens, tu lui poses la question. Ok. Ah, c'est la gloire. J'espère ancien. Ancien. Voilà, ancien ici. On a du travail. Vous avez les blagues, on a du travail. Oui. Tu as bien suivi sa question, non? Très, très bien. Il est un peu ambigu quant à la compréhension au niveau de l'esprit, l'âme, ce qui concerne les humains et ce qui concerne les... En tout cas, voici sa question. Nous avons corps, âme, esprit. Est-ce que les animaux ont les trois caractères? Voilà, en résumé, voilà sa question. Voilà. Je répondrai tout de suite que non, les animaux n'ont pas les trois parties. Ils ont quoi? Donc, ce qui est sûr que nous avons le corps, on voit le corps. Oui. Nous voyons le sang. Nous avons le sang, ils ont le sang. Ils ont le sang. Il y a l'esprit. L'esprit, les animaux. Non. L'esprit, entre l'esprit et l'âme, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Si tu dis n'importe quoi, tu prouves. Oui. Je voudrais prouver avec, je crois, nous avons lu le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, c'est ça? Oui, chapitre 9. À partir du verset, je crois pas prendre à partir du verset 2. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur. Pendant leur vie, après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà payé. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tu as la parole, frère. C'est toi qui parles. Je cherche le passage, apparemment c'est pas ici. Je cherche le passage où il est dit de la même manière que Merlin, ainsi Merlin, ainsi Merlin. Cherche à l'autre, cherche frère. Vous êtes les anciens. Tout arrive à tous, n'est-ce pas? Thank you. Éphésiens 3, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Ah oui, c'est bien. Tout va dans un lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Puisque si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre, et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. Oh. C'est là sa part, car qui fera jouir de ce qui se fera après arrêter. Non, c'est pas ce passage que je cherchais. À partir du verset 19, mon frère. À partir du verset 19. Oui, car le sang des fils. Fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux, voilà, c'est bien ça. Un même sort. Comme l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nue, car tout est vanité. Oui, c'est ce passage que je cherche. Oh. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Je voulais dire ici que ici, l'Ecclésiaste nous parle de l'âme. Ici, c'est l'âme qui est évoquée. Oh. Et c'est pour cette raison que il ressort dans cette lecture que de la même manière que meurt l'homme, la même manière que meurt la bête. Oh. Et que c'est très bien qu'il n'y a pas de supériorité entre l'homme et la bête. Est-ce qu'il a raison? Oui, quant à ce qui, pour ce qui concerne ces deux éléments, c'est-à-dire le corps et l'âme, moi je pense qu'il a raison. Mais maintenant, la différence maintenant. Il dit la supériorité est nulle. La supériorité est nulle pour ce qui concerne les deux éléments. Mmh. C'est lorsque nous rentrons maintenant dans l'esprit. Mmh. Parce que selon ma compréhension, l'esprit, c'est cette partie qui se retrouve dans l'homme, qui permet à l'homme de pouvoir communiquer avec Dieu. Mais les animaux aussi communiquent avec Dieu, pas vrai? Oui. Comment? Allons à la base. Parce que la question c'est, l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Les animaux ont-ils ces trois parties? D'abord, voilà la fondation, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui ou non? Et j'ai dit non. Que les animaux ont donc quoi? Les animaux n'ont que l'âme et le corps. Ils n'ont pas? Ils n'ont pas l'esprit. Qui est d'accord avec lui? Il dit qu'il est d'accord avec chacun l'esprit. Le frère Vinay a dit que depuis qu'il est la vie, il n'a pas encore vu là, on parle de l'esprit des hommes. Fils de vous. Ouvrez Ézéchiel. Moi, je suis d'accord avec lui. Avec qui? Que les animaux n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Oui. Ok, c'est toi qui m'as dit en général. Ézéchiel, ouvre Ézéchiel dans alors. Ézéchiel chapitre 1. Ok. Vous avez tous ouvert, non? Et vous êtes là, il lit le verset 20. Dis-nous, frère. Ézéchiel 1, verset 20. Oh. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Oh. Et les roues s'élevaient avec eux. Oh. Car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Oh. Lis dans ta version. Ça c'est matin. Ou c'est quoi? C'est quelle version? Lis l'esprit. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Mm-hmm. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. L'esprit de quoi? Des animaux. De quel genre d'esprit on parle ici? Voilà, maintenant on a vu l'esprit des animaux. Mm-hmm. Frère Julien, tu as dit que tu n'avais pas encore vu l'esprit des animaux. Voilà l'esprit des animaux. Là, ta version dit quoi? C'est l'esprit des êtres vivants. Vivants. Maintenant, lis le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse, on voit quelque chose. Quel chapitre? Quand Dieu a créé l'homme, il a fait comment? Il a soufflé dans son narine. c'est ça, non? Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mmh. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Mmh. Âme vivante. Là-bas chez toi, c'est quoi? Être vivant. Quand tu as eu Ézéchiel, là, c'était quoi? Chez moi, c'était être. Mmh. Les êtres vivants. Donc ça veut dire l'homme. Je change une fois que vous lisez ces deux chevaux, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans ta Genèse, on dit, quand Dieu a soufflé à l'intérieur de l'homme, l'homme devint quoi? Une âme vivante. Chez toi, c'est un être vivant. Voilà. De l'autre côté, quand on a parlé d'Ézéchiel, là, on a dit que l'esprit de quoi était dans le roux? L'esprit des animaux. Ici, on a dit que c'est quoi? L'esprit des êtres vivants. Donc, on a le problème. Là, on a le problème. Les êtres vivants, là, étaient quoi? Les animaux ou bien c'était des... C'est pas des animaux. Lis le verset à partir du verset 10 maintenant. Ici, dans Ézéchiel. Oui, dans Ézéchiel. Quant à la figure de leur face, oui, ils avaient tous une face d'homme. Oui. Tous les quatre, une face de lion à droite. Oui. Tous les quatre, une face de bœuf à gauche. Oui. Et tous les quatre, une face d'aigle. Mm-hmm. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Mm. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Mm. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, oui, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Mmh. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardents. Mmh. C'était comme l'aspect des flambeaux. Attends, là-bas on a écrit quoi dans ta version? L'aspect de ces animaux. Ils ont dit l'aspect de ces êtres. Mmh. En réalité, les deux versions ont raison, au sens propre du terme. Parce que là, on vient de décrire quelque chose qui a quatre faces. Mmh. Vous voyez ce qu'on soit, ça a quatre faces, face d'homme, lion, l'aigle, le veau. Maintenant, tu as, ta personne a raison de mettre être vivant. Mais le problème, c'est si on met être vivant, les hommes sont aussi appelés être vivant, comme on a vu dans Genèse, là-bas, quand Dieu a créé l'homme, il souffle à l'intérieur. Quand Dieu souffle donc à l'intérieur de l'homme, qu'est-ce qui entre? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit entre. Donc, quand Dieu a fait dans ses narines et que le souffle est entré, c'est l'esprit qui est entré et on dit qu'il est devenu une âme vivante, n'est-ce pas? Mm-hmm. Qu'est-ce qui est entré dedans? L'âme. C'est l'âme qui est entrée. Bon, quand Dieu l'a créé, il était comment? Quand Dieu l'a créé, oui, c'est-à-dire, je crois que la création se passe sous trois formes selon ma compréhension. Mm-hmm. La formation de l'homme, c'est-à-dire comme... Bon, prenons dès le départ, il a d'abord fait quoi? Il a d'abord formé avant de créer. Oui, avant de créer. C'est ça que la Bible dit. Il a renversé, n'est-ce pas? Il a d'abord créé avant de former. Bon, quand il a créé l'homme quoi? Esprit. Donc ça veut dire que le premier homme est esprit. Donc l'homme normalement est esprit, n'est-ce pas? Dans cette tente dans laquelle nous habitons. Donc ça veut dire que l'homme est en train d'habiter dans cette tente ici-là. La chair sert de tabernacle tout simplement, n'est-ce pas? Ok, donc c'est cela qui est l'image de Dieu. Voilà. Maintenant, l'homme, Dieu forme dans l'homme. Ça, la carcasse qu'on voit maintenant. Quand il souffle, qu'est-ce qui entre? Non. C'est l'esprit. L'homme était quoi d'abord? Esprit. Comment tu dis que c'est l'esprit qui entre alors? C'est quel esprit qui entre? Puisqu'il souffle, mm-hmm, la compréhension que j'ai, c'est qu'il a fini de former le corps. Mm-hmm. Il prend dans l'esprit, il met dans ce corps-là. Mais on dit qu'il a soufflé. Oui. Et l'homme est devenu, l'homme, oui, est devenu une âme vivante, bien un être vivant. Oui. À quel moment donc l'âme est entrée? Il a défini l'âme, le lieu de l'âme, l'âme comme étant le cœur. C'est ça non? L'âme de toute chair est dans son sang. À un moment donné, donc, l'âme même se confond avec le cœur. N'est-ce pas frère? Ça veut dire que si tu as des problèmes de cœur, on opère quelqu'un, on enlève mon cœur, on met là-bas, tu as mon âme. Non. C'est qu'il y a un problème, pas vrai? Quand tu vas à l'hôpital, tu as besoin de sang. On prend le sang chez quelqu'un, on met chez toi. Tu as son sang. Non. Si on prend le cœur d'un bandit, on le donne à quelqu'un qui a développé un monsieur, peut-être un pasteur qui prêchait la prédication. Vous pouvez tomber, il a fait l'accident, son cœur, arrêtez là-bas. On prend un cœur, on transplante. La transplantation. Non. On met, quand le pasteur se lève, il commence à voler. Non. Alors, ça, on dit qu'on a un problème ici. L'âme, non, c'est quoi? Là, comme on vient d'expliquer là, oui. On ne transplante pas l'âme, on ne transplante pas ces choses parce que ces choses ne sont pas matérielles. Matérielles. Elles ne sont pas physiques. Oui. C'est des choses spirituelles. Bon, là, mais Dieu dit que ça se trouve dans le sang. Oui. Mais si on prend ton sang, est-ce qu'il y a dedans? Il y a ça dedans. Ben, c'est comme dire que si on prend mon corps là et on enterre. Mon esprit reste là-bas. Non, mais nous disons chaque jour que quand on enterre quelqu'un, dès que quelqu'un meurt, son esprit s'en va. Parce que l'esprit là n'est pas matériel. Retenu, n'est pas matériel. Et l'âme alors? Pour l'esprit, on se comprend facilement. Oui. Et l'âme? L'âme aussi, je crois, l'âme n'est pas quelque chose de matériel parce qu'on ne voit pas l'âme de quelqu'un. On ne peut même pas voir ça au microscope ou bien. Mais si on prend ton cœur, si on met. J'ai quelqu'un d'autre. Est-ce que ton cœur, puisqu'on dit que le lieu de résidence, c'est ça, est-ce que ça fait que ton âme va là-bas? Ou mieux, quand tu prends le sang d'un bandit, tu sais, prends le sang d'une prostituée, on met sur toi pour que pour te réanimer. Quand tu te lèves, est-ce que tu as ces péchés-là en toi? Ou mieux, est-ce que tu commences à te comporter comme la personne? Ce cœur dont on parle n'est non plus le cœur physique et palpable. Donc on commence à avancer maintenant sur ce que c'est que l'âme. Je reviens encore sur le plan. Quand Dieu a soufflé dans l'homme, on dit l'homme devint une âme. Vivant. Mais l'homme vivait. L'homme, quand on vit en tant que réalité, il vivait, puisqu'avant que Dieu ne crée, il est là, il lui a donné des choses, des causes, c'est pas vrai. Alors la partie âme, c'est quoi au juste? Ou mieux encore, le souffle dont je parle là, c'est quoi? Y a-t-il différence de souffle et esprit? Qu'est-ce qu'on appelle le zoé? Le zoé, c'est quoi? La vie. La vie. Voilà. Quand Dieu souffle, il souffle quoi? La vie. Ouvrez Proverbe. Non, Job. Job, chapitre 34. Le verset 14. Ah, c'est là que la première question, on est dedans comme ça. Toutes ces choses, du coup, j'en ai parlé déjà dans les enseignements. Job. Job, c'est après le psaume là, mon cher. Job 34, verset 14. Je ne sais pas ce que sa version se dit. Il faut qu'on lise dans sa et toute sa version. Je crois que ça va être David Martin, d'accord, ou bien c'est. Job chapitre 34. Verset 14. Le frère trouve. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Voilà. Et l'homme rentrait dans la poussière. Maintenant, expliquez-moi ce que l'enfant lui dit ici. Oui, moi je comprends que ici, là, on est en train de ressortir les trois éléments qui composent l'âme. C'est-à-dire son corps, son âme et son esprit. Oui. Alors, il est bien dit ici que s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair serait soudain. Donc, on va voir la différence directement, clairement, dans ce même verset, le souffle et l'esprit. Donc, ça montre que c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Absolument. Donc, et l'âme, en fait, moi je comprends que le souffle dont on parle ici là, c'est l'âme. Donc le souffle dont on parle, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est ce qu'il dit, frère. Puisque nous savons que l'homme manque au côté de toi, oui. L'âme, l'esprit et le corps. Et si donc on mentionne ces trois éléments. On dit le souffle d'un côté, l'esprit d'un côté et le corps de l'autre côté. Mais les animaux ont le souffle, non? Oui. En lisant les visuels tout à l'heure, là, moi j'ai compris que ce souffle dont on mentionne là, Donc, il n'a pas seulement l'esprit. L'animal. La différence entre ce que tu dis là et maintenant, pourquoi on a mentionné dans Ézéchiel chapitre 1, verset 20 que l'esprit des animaux était dans les roues? Oui, nous sommes donc partis pour comprendre que les animaux dont il est question dans ce passage, est-ce que on n'a pas encore déterminé si c'est vraiment les bêtes, les animaux ou alors des êtres humains? Donc on a dit clairement, on nous a décrit, si tu continues là-bas, on parle qu'ils avaient les yeux partout, sur tout le corps, avec des ailes. Il formait la roue, au milieu de la roue là, il y avait au-dessus, il y avait un trône. Oui, à ce niveau, nous comprenons que vraiment ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Mais on parle des animaux. On a dit l'esprit des animaux. Donc la question c'est, les animaux ont-ils l'esprit? Parce qu'on a convenu qu'ils ont le sang, pas vrai? Oui. Ils ont le sang dans le sang, mais ils ont l'âme. Est-ce qu'ils ont l'esprit? Oui. Toi, tu dis non. Je n'ai pas compris pourquoi, je n'ai pas encore compris pourquoi les animaux ont l'esprit. Acte chapitre 16, ouvrez. Acte chapitre 16, vous y êtes. Lis-nous verset 16, frère. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Bon, je vous pose une question. Nous avons bien compris ce qu'il dit d'abord. Cette femme-là, est-ce qu'il y avait une serpent physique qui habitait son corps? La Bible dit que l'esprit de quoi? Le piton. Le piton, c'est un serpent. Dans la leçon, on voit physiquement, on sait que voici le piton ici. Oui. Mais à l'intérieur, ce n'était pas le piton physique qui était là-bas. Oui. C'était l'esprit des pitons. Expliquez-moi. Oui. Donc, au moins ici, c'est clair qu'il s'agit d'un animal. Oui. Et bien, on veut le désigner en tant qu'esprit. N'est-ce pas? Oui. De quoi est-ce qu'on parle? Parce que voilà l'esprit des pitons. Il y a d'autres comme des livres de l'esprit des lions, l'esprit de ceci. Allons-y, expliquez. Oui, moi, ce que je comprends, c'est tout simplement que les esprits, ici nous sommes en face d'une situation d'esprit méchant. Et comme nous savons, les esprits ont cette capacité de... Les esprits ont cette capacité d'épouser toute forme. D'épouser toute forme. Donc, la guerre, le serpent et tout le reste. Et de pouvoir entrer. Et comme nous savons que généralement les esprits, leur lieu de résidence, c'est les corps, soit les animaux, soit les hommes. Donc, le piton dont il est question dans ce passage, c'est un esprit qui a la forme du serpent, mais pas un serpent physique. Oui. Donc en réalité, ce n'est pas le serpent qui a décidé d'entrer en cette forme, mais c'est un esprit imbu qui a pris cette forme-là. Voilà. Applaudissons pour l'ancien ici-là. Maintenant, tu as compris, n'est-ce pas? Tu as bien compris, frère. Des questions? Vous savez pourquoi il touche ces versets-ci? Parce que si vous dites à quelqu'un justement que les animaux n'ont pas l'esprit, c'est ça qu'ils vont vous aborder, les mouvements. Vous avez des questions alors? Mais en lisant dans la Bible, vous devez faire attention. Parce que la Bible, à un moment donné, vous allez lire dans la Bible, vous allez voir qu'à un moment donné, le souffle, des endroits où on écrit souffle, ça voudrait dire l'esprit. Des endroits où on écrit esprit, ça voudrait parler de l'âme. Des endroits où on a pris l'âme, on veut parler du sang. L'endroit où on a mis son sang. Parce qu'on dit par exemple que cet enfant, c'est mon sang. Dans la Bible. Tu comprends? Il dit, mon âme est triste. Quand il dit mon âme est triste, il veut parler de quoi? De son cœur. Que son cœur est triste. Quand il dit que je suis, mon cœur est triste. Ou bien mon âme, vous allez voir cette expression dans la Bible, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est le cœur dont il a parlé. Voilà. Donc vous voyez que ici, dans cette expression-ci, l'âme représente le cœur. C'est cette distinction-ci que les témoins de Jéhovah n'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont vu effectivement, ils ont dit que non, l'homme, tel que l'homme meurt. Vous voyez tout à l'heure, quand vous avez lu Ecclésiaste, je vous ai posé la question, est-ce qu'il a raison? Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament et particulièrement le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre de recherche, l'esprit qui pousse les gens à s'interroger. Il pousse les gens à la méditation. Pour qu'ils se posent des questions dans la vie pour arriver à être, le but de l'esprit, c'est pousser les gens à méditer sur ce qu'il y a dans la vie. C'est ça le but d'Ecclésiaste et de Proverbes. Et ça veut dire qu'en recherchant de cette façon-ci, on arrive au niveau où l'homme est limité par la compréhension. Et comprendre qu'il y a certains accès qu'on ne peut pas avoir avec notre compréhension humaine. Et à un moment donné, il faut la révélation. C'est pour ça que quand vous lisez Ecclésiaste, vous allez voir la façon qu'il progresse. Il progresse, il voit effectivement, il dit que okay, tout ce qu'on peut avoir sur la terre, ici, là, c'est le conseil, c'est de manger. Et même si on mange, tu bois ici, ce n'est que vanité. Il arrive à la conclusion qu'en fait, tel comme l'un meurt, tel que l'autre meurt aussi. Mais si vous arrivez au chapitre 12 d'Ecclésiaste, verset 9, il dit que l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il vient d'avoir une révélation. Si l'esprit retourne à Dieu, il dit donc quand le fil est coupé, l'esprit retourne à Dieu. Si l'esprit retourne à Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'avant cela, il dit du reste, crains Dieu et fais ce qui est bien, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dans ce cas, ça veut dire que ce qu'il disait, que livre ton cœur à joyeuse vie. Livre ton cœur, ou que ton cœur, ceci et ceci, tu vois, n'est-ce pas? Tu ne dois plus faire cela. Parce qu'il va t'amener en jugement et que tu vas rendre compte par rapport à la vanité que tu as fait sous le soleil. Donc, c'est un livre de recherche. Donc, remarquez bien, quand vous lisez dans le livre d'Ecclésiaste, il dit comment une femme qui est un homme qui est né d'une femme peut être pur. Vous avez lu ça, non? Comment? Voilà la question qu'il a posée. Personne, nul n'est pur, nul n'est juste. C'est ce que la Bible déclare. Et vous entendez ces expressions encore aujourd'hui dans la vie des gens. Nul n'est juste. Okay, je pose la question, y a-t-il des justes sur la terre? Oui ou non, y a-t-il des justes? Mais il a dit, nul n'est juste. Il pose la question, comment? Parce qu'il sait que tout est souillé depuis la naissance. Mais ouvrez Jean chapitre 15, voir. Quand vous n'avez pas ces choses-là, vous ne connaissez pas la pensée de Dieu par rapport à l'Ancien Testament, par rapport au Nouveau, c'est pour ça que vous rencontrez les gens qui veulent conduire la Bible, ils prennent ces choses-là, disent, ils ne voient pas la progression, comment Dieu a amené les choses pour amener au parfait. Verset 3, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Verset 3. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais Salomon lui avait posé la question, comment quelqu'un va devenir pur finalement? Jésus dit que le seul fait que tu t'es parlé, tu t'es fait purifié. Oh, il n'y a pas cette révélation dans la Bible. Donc, le simple fait d'être purifié, dans Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 27, 27 particulièrement, il dit qu'après avoir purifié par l'eau de la parole, il était dit que c'est la parole qui va venir rendre les gens purs. Mais ça, ce n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, faites attention à la façon que vous voyez. Je pose la question que si l'homme vivant, si une fois mort, je pourrais savoir mon rédempteur, c'est que j'aurais de l'espérance. C'est-à-dire, si je sais que. Si je meurs, si ce n'est pas terminé, alors je n'ai pas encore quoi. Mais maintenant, tout le monde sait qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Tous, oh, ils ne savent pas cela. De façon furtive, tout simplement comme cela, ils ont eu des bribes dans la Bible. Dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, c'est à la fin que l'ange vient dire à Daniel que va dans ton héritage, couche-toi, tu te lèveras à la fin. Tu vois cela? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'élèveront. Mais ils ne comprennent pas ce que c'est que la résurrection de mort. Même à ses disciples, Jésus qui parlait que à la résurrection, Jésus dit que la Bible quand se pose la question, c'est que c'est que ressusciter des morts. Donc ce n'était pas d'actualité. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul a prêché à Athènes, elle a prêché, la Bible quand c'est lorsqu'il a dit, Dieu a fixé et on jugera les gens selon qu'il a donné une parole de ressuscitant des morts. Lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection des morts, ils ont dit, ok, la prédication s'arrête là-bas, on va encore t'entendre l'autre fois, parce que ça ne passe pas dans leur tête. Tout l'objet. Et on entend cette philosophie encore aujourd'hui que le paradis et l'enfer c'est sur terre. tu vis bien ici, tu es au paradis, tu vis mal, tu es en enfer. Si c'était le cas, dans ce cas, faisons comme l'apôtre a dit, mangeons et vivons, car démons-nous. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, c'est que nous ne sommes pas différents des animaux. Mais maintenant, voici dans la révélation, c'est que certainement, le Christ est venu, il a frayé un chemin, une fois pour tout, où on peut passer. Assurément, on va arriver vers le Père. Ça, ces gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cela. Il a fallu que le Seigneur montre à Moïse la résurrection des morts. Christ crucifié pour que Moïse prenne courage pour quitter l'Égypte. Si ce n'était pas comme ça, il resterait là-bas. C'est pour ça que quand quelqu'un a la révélation de Christ, justement, rien plus ne peut lui faire quoi que ce soit sur cette terre-ci. Quand Christ est mort, quand tu entends seulement les choses de Dieu comme cela, de façon littérale, ainsi de suite, tu as seulement ce qu'on appelle Martin Ascension, c'est l'accès seulement des informations. À tout moment, tu peux te déboussoler. C'est pour ça que vous pouvez voir un pasteur aujourd'hui qui n'est plus pasteur, il est maintenant chez les musulmans. Peut-être prêcher cela. Parce qu'il prêchait ce qui est écrit. Quand on lui montre quelque chose qui est un peu un contraste qui est écrit, il trouve une occasion, de chute. Mais si tu as rencontré Christ, si tu l'as vu dans la puissance de la résurrection, on va beau te frapper. Il dit, nous ne pouvons pas dire ce que nous avons entendu, nous avons vu et entendu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, quand on disait l'Ancien Testament, faites attention à ce que vous allez aborder. Comment le juge? Il dit que comment l'homme sera, l'homme né de la femme peut-il être pur? Il a dit comment? La question est posée. Réfléchissez-y. Comment? Le Testament donne. Jésus dit que tu ne purifies pas la parole. Or, si vous lisez Ézéchiel chapitre 36, verset 24, il dit, Dieu avait prophétisé cela. Il dit, quand je viendrai, je vous rassemblerai. Je vous nettoyerai d'une eau pure. Ouais, j'enleverai de votre cœur ce cœur des pierres et je mettrai en vous. Je ferai. Donc Dieu avait prévu faire cela. Paul dit quoi? Il dit que lorsque l'état est accompli, Christ a fait, Dieu a fait exactement ce qu'il avait mis en le dessein qu'il avait en lui-même. De mettre, de réunir toutes choses en Christ. Ça, il dit, il n'a pas été révélé aux saints d'antan, comme il l'a fait maintenant à ses saints prophètes. Ouais, à quel moment nous nous retrouvons? Nous nous retrouvons dans la révélation totale du plan de Dieu. Des questions? Posez toutes vos questions d'abord avant qu'ils ne commencent. Parce que quand ils vont commencer là maintenant, et on va aller vraiment dans les saintes écritures et puis on va suivre ce qu'on va suivre. Pendant que vous allez réfléchir sur les questions, il vous pose la question. Vous avez entendu parler des guides dans la forêt, hein? Les guides. Mm-hmm. Vous avez entendu parler des guides. Pour ceux qui sont en Europe, quoi que le frère va bien combattre sur les Alpes, quand on va faire les ski. Mm-hmm. N'importe qui ne va pas là-bas, dans les montagnes. Il faut qu'il y ait des guides là-bas, sinon tu vas t'égarer. Quand les gens vont en excursion dans les forêts, que vous allez dans les parcs, même des parcs d'animaux, il y a des visites, ça doit être guidé. Ou mieux, quand les gens font les formules 1, vous appelez les trucs, les voitures là. Mm-hmm. Il y a quelqu'un à côté avec la carte. Je vous pose la question. Cette personne, ce qui a la carte, si dans une force de mouvement, qu'est-ce que le pilote fait? Il s'égare. Dans l'avion, il y a l'ordinateur de bord. Si ça donne une force de mouvement, la personne se fait quoi? Si la personne qui a conduit les gens dans les actes, lui-même s'égare de la forêt, les gens qui le suivent vont aller où? Maintenant, quand les gens sont venus, on dit que voici le guide tel. On s'attend de lui de l'expérience, qu'il a de l'expérience de la matière. C'est-à-dire que s'il dit, allez comme ça, vous allez. Vous comprenez ce que je vais vous dire là maintenant, non? Vous commencez à comprendre. Amen. Maintenant, ouvrons F. Vous avez dit qu'il n'y a pas de questions. Ce n'est pas les questions d'avant. Parce que si j'entre là dedans maintenant, c'est plus pour vous sortir avec les questions. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'esprit, n'importe quoi, le ministère, le fonctionnement, vous posez. Ou bien je parle, je vais faire une pause et puis vous lâchez l'attitude. Parce que peut-être avant ça va vous réveiller. Ouvrez un pied, je peux te 5 voix. Donc, je sens de prendre ces exemples pour que vous voyez la chose. C'est un être humain qui quitte par exemple sa famille pour aller en vacances quelque part dans une forêt qu'il ne connaît pas. On te le confie. On dit que voici celui qui va vous guider dans la forêt. Il arrive dans la forêt. Il dit que moi, j'ai oublié la route. Qu'est-ce que vous allez lui dire quoi? Si celui qui oublie la route, si c'est le guide qui ne connaît pas la route pour amener les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que celui qui a de faire? Où est la responsabilité, n'est-ce pas? Non? Maintenant, cette guide, c'est qu'il prend une personne, deux, trois, parce que souvent ils vont en cargaison, en groupe, pour voir effectivement que la vie de tout un groupe de personnes dépend d'une seule personne. Donc il a intérêt à savoir ce qu'il en a de dire, de savoir là où il les amène, de savoir ce qu'il en va faire d'eux. Il faut qu'il les préserve. Et peut-être ici, ne jouez pas là-bas parce qu'il y a une chute là-bas. De ce côté, n'allez pas là-bas parce qu'il y a les animaux. Vous voyez, il connaît, il a l'expérience de cet endroit. Donc on ne donne pas le certificat de guide à n'importe qui. Voilà. Chapitre 5, donc, verset 1, 2, 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, 2, 3 et 4. Comme votre enseignement, si vous lisez le nom là-bas, ça ne doit pas prendre. Donc je crois que ce sera ceux qui sont ici pour lire. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Mm-hmm. Moi, ancien comme eux, oui, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Oh. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, oui, non par contrainte, mais volontairement, mm-hmm, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà. Donc, on a certains mots qu'on va travailler, sur lesquels on va travailler maintenant. C'est pas la recommandation. Ici, c'est une prédication pour les prédicateurs. Là, c'est toute la prédication pour les prédicateurs. Voici les exhortations, les encouragements que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Donc, ça concerne les anciens. Il dit, moi, ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera manifestée. Percez le troupeau, soulignez le verbe perdre. Percez le troupeau. Vous avez souligné, n'est-ce pas? Oui. Mmh. Percez le troupeau qui? Le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Qui est sous votre garde? Non pas contraint. Souligner contraint. Mais volontairement. Souligner volontairement. Volontairement. Puis on dit quoi? Selon Dieu. Entouré selon Dieu. Le monde. Selon Dieu. Non pour. Vous avez entouré selon Dieu. Oui. Non pour. Ça se continue. Non pour. Un gain sordide. Souligner un gain sordide. Mais avec dévouement. Souligner dévouement. C'est suffisant maintenant qu'on fasse 5 heures de temps là maintenant seulement sur ces versets sinon. C'est suffisant. C'est chose que vous avez souligné. Si on veut y entrer, c'est suffisant maintenant qu'on fasse au moins 5 heures maintenant. Quand tu dis, c'est pas fini. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Maintenant, souligner dominant sur. Dominant sur. Mais en étant les modèles du troupeau. Souligner modèle. Puis dit, et lorsque le Seigneur viendra, vous obtiendrez quoi, frère? La couronne incorruptible de la gloire. Ici donc se trouve à la fin du verset dans la récompense du service qu'on aurait rendu. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de récompense quoi que ce soit sur cette terre-ci. Ça veut dire que le service dont Dieu attend que les anciens, les dirigeants rendent, ce n'est pas un service qui doit être rémunéré sur la terre. Parce que la rémunération n'est pas faite sur la terre. Maintenant, la question maintenant, c'est quel est le style de cœur que Dieu cherche ici donc pour cette personne-ci? Vous voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Regardez bien les mots que vous avez soulignés. Parmi les mots, il y en a deux catégories. Il y a une chose, une catégorie qui ne voudrait pas que ça se trouve à l'intérieur d'un ancien. De l'autre côté, il y a une autre catégorie que ça doit être là. Modèle du troupeau. Dévouement. Volontairement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a, de l'autre côté, il y a par contrainte. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Gain sordide. Quoi encore? Dominant. Quoi encore? Quoi encore? Vous avez vu? Ok. Donc, il y a deux groupes maintenant. Ça se pose donc que quand quelqu'un dit ceci, maintenant, il faut qu'il passe en méditation. Je suis ancien. Donc, dirigeant. Le Saint-Esprit me dit que voici ce que je dois être. Voici ce que je dois faire. Voici ce que je ne dois pas faire. Vous y êtes? Notez 1 Timothée. Notez comment on doit travailler maintenant. Merci. 1 Timothée, notre chapitre 4, 5 et 6. 1 Timothée, chapitre 4, 5 et 6. On va y arriver. D'accord? Notez titre, chapitre 1, verset 5. 5 à 12. Hébreu, chapitre 13. Notez Osée chapitre 14. Michée, le prophète Michée, chapitre 4, versets 6 à 11. Joël, chapitre 1 et chapitre 2. Voilà. On va d'abord s'arrêter là-bas, on va continuer. Donc, d'après ce que nous sommes en train de voir ici, c'est quoi, comment, allons-y dès le début, quel est le premier mot que vous avez souligné? Ici. Percer. C'est quoi donc? Paître le troupeau. Dans Jean, quand il est ressuscité, il a pris pied de côté. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a dit quoi? Oui, Seigneur, je t'aime. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas dit, si tu m'aimes, fais telle ou telle chose. Il a dit, paix mes brebis. Alors maintenant, c'est quoi paître ses brebis? La nourriture convenable. Maintenant, supposons que en ce sens, c'est quelqu'un prend les troupeaux, commence à diriger plutôt dans le désert. Il va s'en sortir, frère. Hein? Voilà. Ça veut dire que la personne se doit connaître là où il y a le pâturage. Le style de pâturage qui est bien, l'alimentation qu'il faut pour ces brebis-là, n'est-ce pas? Alors ici, il dit que percer le troupeau. Notez aussi Actes chapitre 20, verset 17 à 32. Notez Daniel, chapitre 12, verset 1 à 5. Daniel, chapitre 12, verset 1 à 5. Matthieu, chapitre 10, verset 1 à 43. Voilà. Donc maintenant, il dit paître, paisser le troupeau. Notez Jean chapitre 10. Ça a encore commencé là. Quand il dit paître le troupeau, ça suppose que voici un ordre qu'on a à faire. Paître, ça veut dire nourrir, non? Nourrissez le troupeau. Pour ce qui est des troupeaux, ou bien des brebis, il s'agit de donner de la nourriture, la verdure. N'est-ce pas? C'est quoi donc paître le troupeau? C'est quoi? Comment est-ce qu'on paître le troupeau? Comment? Vous avez remarqué quand on dit que percer le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Qui est sous votre garde. Vous avez le mot là. Qui est sous votre. C'est-à-dire quoi? De responsabilité. Responsabilité. Vous êtes comme le gardien. Donc vous devez veiller sur ce, le style de nourriture que vous, vous donnez. Vous donnez du poison à quelqu'un, Dieu va vous tenir pour responsable. Gardez bien ceci à l'esprit. Donc vous donnez du poison à quelqu'un. Vous êtes tenu pour responsable. C'est un peu comme le chef de la maison. Remarquez quand dans Genèse, quand les gens sont, quand ils ont péché, quand Dieu est venu, il n'a pas appelé Ève. Il a appelé qui? Parce que c'est Adam qui avait la responsabilité. Il va appeler les responsables en question. Alors ici, la Bible dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc Dieu a confié le troupeau de Dieu, son troupeau, aux anciens. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre quoi? Excellente. Donc c'est le meilleur poste de responsabilité qu'on peut avoir sur la terre. Ce n'est pas le premier ministère, ni le secrétaire général, la présidence. Voici le premier. Voici. Vous avez entendu tout est selon Dieu, non? Ça veut dire que la façon dont on fait ces choses, ce n'est pas selon les êtres humains. Ça veut dire que c'est à la manière des dieux que ça doit se passer. À la manière des dieux. Notez Matthieu chapitre 18. Nous terminons Matthieu chapitre 20, versets 20 à 25. Donc, il y a une façon que Dieu s'attend à ce qu'on gère ce qui lui appartient. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, quand le Seigneur est né, quand il était dans le temple, il parlait avec les docteurs, quand sa maman et son papa sont venus, ils ont dit, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Fait 3 jours de chérie, ils ne savaient pas qu'ils devaient m'occuper des affaires de mon père. Ouvrons donc 1 Timothée. 1 Timothée, je vous ai dit le chapitre 4, 5 et 6. Nous allons lire doucement, depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, et on va travailler au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et il faut prendre ce livre de 1 Timothée là, vous travaillez. D'accord? Ce que ça veut vous dire là, c'est ce que j'ai fait. Après, je vous montre. Nous commençons au chapitre 4. Vous y êtes déjà? 1 Timothée, regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, d'abord, la Bible nous enseigne que le temps que nous vivons, ce n'est pas n'importe quel style de temps, c'est le temps où il y a plusieurs styles d'enseignement, que les enseignements seront démoniaques. Vous comprenez effectivement d'où la nécessité de que chacun sache ce qu'il a d'enseigné. Donc, chacun doit veiller sur l'enseignement qu'il a d'enseigné pour savoir d'où ça, de la provenance. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, donc il y aura de faux enseignants, portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience, ce sont les gens qui savent effectivement qu'ils ne servent pas Dieu. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc c'est l'un des branches des enseignements là-bas. Ça c'est l'un des branches des enseignements. C'est pas seulement que ils vont dire ne vous mariez pas ou bien ne mangez pas telle chose. Non. C'est l'un des branches. Parce que dans 2 Timothée, dans 2 Pierre, il dit qu'il y a des faux donc. Il y aura parmi les faux enseignants qui vont entrer des sectes pernicieuses. Alors, il dit, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6 maintenant. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Écoutez bien, nourri de la parole de la foi. C'est ça, des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as su exactement suivre, souligner de la bonne doctrine. Ou mieux encore, souligner toute la phrase, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Vous avez vu cela? Vous avez noté tout à l'heure, c'est chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 5 à 10, à 12. Notez 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Notez Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Regardez, ici il dit à Timothée, il dit qu'en exposant ces choses, continuons seulement, on a du temps aujourd'hui là, en exposant ces, non, il dit, repousse les contes profanes et absurdes, repousse les contes profanes, soulignez profanes, quand on dit quelque chose de profane, ça veut dire quoi frère? Quand tu dis quelque chose, parce que quand tu dis, c'est un profane. Christelle, comment? Un ignorant. Dans ce contexte, c'est pas ça. Allons dans Hébreu, je vois. Mettez-le tout avant, voir Hébreu. Vous entendez par exemple qu'en aux États-Unis, on a profané par exemple la tombe des Juifs. Ou bien les cimetières chrétiens. On dit qu'on allait profaner. En profanant, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Quand on vient sur la tombe juive, par exemple, on met les symboles nazis là-dessus. Qu'est-ce que ça veut faire? Ils souillent. Ils souillent, n'est-ce pas? On a regardé Hébreux chapitre 12. Regardez, vous y êtes. Verset 15 à 17. Tu peux dire, frère? Oui. Hébreux 12, verset 15. Mm-hmm. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Changer de sentiment, donc son repentir n'a aucun effet. Mais ici, on donne comme exemple de profane dans la Bible qui Esaü. Et on montre l'acte qu'il a posé pour qu'on appelle profane. D'accord? Donc maintenant, quand vous entendez maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Esaü avait fait? C'est ce qu'on a dit là-bas. On dit que pour qui est ni profane, comme Esaü, qui pour un droit, pour un mais vendit son droit de naître. Voilà un acte profane. Parce qu'il ne connaît pas le caractère de la primauté. Vous appelez le premier-né, la prééminence. Il a négligé que je suis né. Je m'en fous de cela. Il ne savait pas que la prééminence, c'est un caractère sacré. Donc c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le sacré. Il banalise le sacré. D'accord? Donc c'est un sacrilège tout simplement. Alors quand j'entends, on dit, maintenant l'apôtre dit à Timothée, il dit que éloigne-toi des contes quoi profanes. Qu'est-ce qu'il en est dit? Parce que ces choses, si on ne s'arrête pas pour commenter, on continue à lire comme ça et continue à commettre ça dehors sans en rendre compte. Quels sont les contes, c'est-à-dire les racontages, non, les histoires qu'on nous raconte chaque fois? Il dit effectivement que si tu, parce qu'il faut qu'on identifie c'est le style d'histoire dont l'apôtre Paul nous le dit. Pour que si tu te livres, tu ne te livres plus. Un conte profond, donc, avec cette définition, devient quoi par exemple? Un exemple de conte profond. Vous ne faites pas comme les fidèles là, qu'on pose des questions, ils ne répondent pas là. On demande qu'ils ont des questions, ils ne répondent pas. Ne faites pas ça. Tout ce qui est obscène. Obscène ne marche pas là-bas. Ce qui n'édifie pas. Comme quoi par exemple? Parce qu'il parle ici de raconter, c'est-à-dire vous vous asseyez, vous parlez des choses, des discussions, des bavardages, des histoires qui n'édifient pas. Comme quoi par exemple? Les commentaires sur le football. Les commentaires sur le football, tu es trop fort, frère. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, le football est profane. N'est-ce pas, frère? Vous ne voulez pas dire oui, non? Oui. Mais même si je ne dis pas oui, c'est vrai. Vous pouvez être profane. Parce que c'est le Dieu du monde qui l'a inspiré, c'est pas le Saint-Esprit. Oui. Et c'est fait pour son adoration. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, alors, le Barça a traité le Real Madrid hier. Je te dis, si tu veux mettre même 5000 là-bas, il te demande un but d'avance, on va vous frapper aujourd'hui. Est-ce que le caractère. Nous parlons des dirigeants là maintenant. Parce que ici, à Timothée, il a dit ça, c'est comme dirigeant. N'est-ce pas? Et à Timothée dit que ça ne te concerne pas. Ceci ne doit pas te concerner. Mais tu vois, j'ai le pasteur, il a mis le plus de temps comme cela. Bah, ça va. Il voit parce qu'il lui c'est on va prendre pour il dit que c'est le dit que quand on voit le film là. Ouais, c'est le pasteur qui fait comme ça. C'est la Bible lui interdit cela. Ouais, il faut comprendre le langage de la Bible pour bien situer ça, de quoi Dieu en veut parler. Vous ne verrez pas football ici dedans, mais ça se trouve là-dedans. Vous ne verrez pas télévision ici dedans, ça se trouve. Vous savez, on était en Suisse, c'était en Belgique. Il y a un blanc qui me pose la question. Il parlait des juifs et autres là-bas. Il dit que non, c'est écrit là-dedans, même l'avion. Il dit que j'ignore. Tu as toujours dit des choses, je n'ai pas demandé de vérifier. Cette fois-ci, il croyait que je m'avais croisé. Il dit que tu veux me montrer qu'il y a l'avion là-dedans. Il dit que c'est écrit noir et blanc, on parle de l'avion là-dedans. Il croyait que c'était la blague. Quand il a lu ça, il a fait la Bible, c'est la poussée ça. Parce que la Bible parle de cela. La Bible parle de l'internet. La Bible parle de la télévision. Ça se trouve ici dedans. Mais il faut que tu sois calme vraiment, que je suis prêt vraiment à entendre que c'est ça. C'est écrit. Il dit qu'il ne voit pas la tête tournée à l'eau. Il dit que le voici. Mais ça utilise son langage. Parce que si on met avion, la personne ne doit pas comprendre. Il dit qu'ils sont ceux-là donc qui vont aller colombier. En montant sur les ailes, comme les pigeons qui vont à leur nid. Les gens montent sur le pigeon pour voler, frère. Les gens montent sur les colons, ils voient quoi, frère? Dans l'avion, pour voler, pour arriver là-bas, c'est pas l'avion. Parce qu'à ce moment-là, l'avion, ça émite. On dit que c'est un appareil qui émite l'oiseau naturel. Donc le prophète a vu cela. Il a vu la ville de New York. Il a vu les tours de Manhattan. Ce qui devait arriver, c'est écrit là. Le prophète a écrit ça là-bas. Noir et blanc. Il a vu les styles de voitures qui roulaient en New York. Il a dit que ça suffit avec les torches se baladent dans les rues. Parce que quand tu prends une torche, tu fais comme ça fait un. Mais quand la voiture passe, ça, dans la nuit, ça fait un. Le prophète a vu, c'est écrit noir et blanc. Vous pouvez regarder la Bible, vous prophétisez sur les États-Unis. Mais tout en sachant ce qui est écrit là-dedans. Donc elle utilise le langage, évite les contes profanes. Ne quittez pas sans savoir, sans expliquer qu'est-ce qu'il veut dire contes profanes. Maintenant, Il dit, évite cela. Si tu ne sais pas ce que c'est que tu peux te livrer sans te rendre compte. Évite les contes profanes. Donc je m'arrête. Contes profanes. J'écris. C'est pour ça que ma Bible s'est écrite partout là. Jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il a de me dire. Contes profanes, tu écris à côté. Contes profanes, il dit telle chose. Et puis tu t'assois tranquillement. Est-ce que ces choses, si je m'y livre, si je me livre dans ces choses, je demande d'abord pardon à Dieu avant d'avancer. Sinon, ça ne te laissera pas. Le Seigneur te demande pardon parce qu'il est livré. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit dit ici? Parce que toutes ces choses-là, c'est un déploiement de l'onction qui est sur vous. Ça vous fait. La Bible dit clairement que ça détruit le dépôt. À un moment donné, vous priez, vous sentez plus la présence du Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas que vous avez. Parce qu'en amont, vous lui avez désobéi. De l'autre côté, vous cherchez sa présence. Parce que vous ne faites pas ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut être assidu à ces choses-ci. D'accord, frère? Alors, ici, il dit repousse les contes profonds et absurdes. Et puis, il dit maintenant, verset 8. Exerce-toi à la piété. Nous sommes dans 1 Timothée là. Je ne sais pas comment vous dire. 1 Timothée 4 là. Exerce-toi à la piété. Encadre cela. Maintenant, voici donc le grand secret donc pour le ministère. C'est ici. Le grand secret pour le ministère, voilà ça qui est contenu dans ces petites phrases-là. Exerce. Quand on dit que quelqu'un exerce un métier, ça suppose que c'est quelque chose qu'il le fait de façon quotidienne, ou bien de façon constante. Pas vrai? Oui. Mm-hmm. Quand on dit, je fais les exercices physiques, ça suppose que tu fais des mouvements, il y a des entraînements que tu fais. N'est-ce pas? Il exerce dans quoi? Il exerce dans l'armée. Donc, ça veut dire que l'armée, c'est son habitude. Pas vrai, frère? Mm-hmm. Exerce-toi à la piété. Et puis, il y a autre clair, pour qu'on ne dise pas qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, il continue. Il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, voilà le secret du ministère. Le secret de tous les ministères se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, la partie A. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle en anglais self-discipline. Ce n'est pas évident pour quelqu'un de se lever. Je dis que chaque matin, le dimanche, je vais faire les abdos, faire le sport, sortir pour courir. Il faut que cette personne ait le mental de discipline pour que ça marche. C'est, tu vas acheter le short, mettre d'abord le dimanche matin. Je suis fatigué. La paresse va rentrer. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quelqu'un qui peut prendre une résolution, il ne le fait pas. Mais ici, il dit exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. On va toucher le mot piété. Parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle piété. Donc, ça veut dire, si on comprend ce que c'est que la piété, il va dire qu'on s'entraîne là-dedans. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu veut ici que les dirigeants soient sur nous. Vous voulez s'adresser directement à Timothée. Dieu veut que les dirigeants soient dans un style de moulage quotidien ou bien constant. Parce qu'il y a quelque chose qui se trouve là-dedans. Il dit le secret se trouve ici. Allons dans le livre d'un Corinthiens, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 4. Bien, 2 Corinthiens même chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 4. Allons-y là-bas. On y va. Regardez. Verset 7. Nous portons cette. Ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 7. Après, on va quitter ce mot. Il y a encore quelque part. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Frère, vous avez vu ce que le rapporteur Paul a dit? Il dit qu'on porte quoi? Les trésors. Dans quoi? Des vases de terre. Je me suis marié là. Il pose la question. Il parle de quoi? Vous savez de quoi il parle? Il parle de quoi? Le Saint-Esprit. Dans des vases de terre. Mais là, parce qu'en haut, il a dit que, sur le plan du chapitre 3, verset 15, 16, 17, il dit effectivement que c'est en Christ. Il y a un voile qui est jeté là-bas, ce n'est qu'en Christ que ça se convertit. Et là où il y a l'Esprit de Christ, là est la liberté. Il dit si notre évangile que nous prêchons, et encore, voilà, c'est voile pour ceux qui périssent. Il dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur que nous annonçons. Et non, cette trésor-là, c'est la grâce. L'immortalité a été donnée par l'évangile aux serviteurs pour prêcher, pour que ça change des vies des gens. Vous voyez ça, frère, quelle responsabilité? Et donc, ça veut dire que leur bouche, comme il a dit, l'élève du sacrificateur doit conduire les gens dans la sagesse, doit proclamer la sagesse de la justice. Maintenant, l'apôtre dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande grâce soit rendue à Dieu. Donc, ça veut dire qu'en nous se trouve quelque chose que Dieu a déposé. En tout cas, du moins pour le prédicateur. Et donc, il pose ça. Ouais, pourquoi Dieu doit protéger son ancien? Dieu doit protéger son mention. C'est pour ça que l'onction du Saint-Esprit ne donne pas à n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui ça se donne. Regardez, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la tristesse, mais non dans le désordre. Notez Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. J'espère qu'on va vraiment finir aujourd'hui. Il faut qu'on travaille. Si il n'en va pas, vous allez prendre une pause. Mais pas une pause où on boit l'eau. On va prendre l'eau pour méditer. Et puis on continue encore dans la deuxième partie. Notez le livre de 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Si vous avez noté, on continue ici, mon frère. Il dit, nous sommes, verset 8 encore, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Frère, continue. Ainsi, la mort agit en nous, oui. Et la vie agit en vous. Oui. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, oui. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, oui. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Oui. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Amen. Vous n'êtes pas fatigué encore, non? Non. Vous n'êtes pas fatigué du tout? Non. À 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Puis dit, courez de manière à le remporter. Vous entendez, n'est-ce pas? Il donne l'ordre de courir de manière à remporter. Donc, il ne faut pas aller comme les gens du Cameroun vont chaque fois dans les compétitions, dire que l'essentiel était de participer. Si les anciens étaient participés, ça veut dire que tu ne pars pas en vainqueur. Donc tu pars sachant que les autres ont déjà gagné. Donc quelqu'un quitte celui pour aller faire une compétition. Il dit qu'il part seulement pour participer. Donc d'autres personnes parlent que je m'en vais pour remporter le trophée. Lui dit que non, il part seulement pour participer. Donc ce sont des figurants. Vous ne devez pas être des figurants. Vous devez être des vainqueurs. Pas vrai? Il dit que c'est un ordre ici, il courait en manière. Ça veut dire que vous dites-vous tout simplement que s'il y a un trône, ou mieux encore, une couronne qui reste dans le ciel, c'est pour vous. Je pense que vous comprenez. C'est ce qu'il a dit, c'est la mentalité qu'il a dit ici. Donc dites-vous que, ok, n'allez pas croire ces choses. On nous dit que non, il n'y a pas de partage. Ce n'est pas quoi, le gros cœur, comme on dit, non, tu as le gros cœur. Il courait de manière à le remporter. Donc il y a un trophée devant. Et souvenez-vous donc de ce que nous avons vu dans 1 Pierre où nous avons commencé au chapitre 5. On dit, et lorsque le souverain pasteur des brebis apparaîtra, il va faire quoi? Il vous donnera aussi la couronne de quoi? La couronne de gloire. Ça se pose qu'il y a une manière de faire pour mériter cette couronne-là. Alors, il dit courir de manière à emporter. Continuons, mon frère. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, c'est sur cette discipline ici. Dans la discipline personnelle, oui. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Maintenant, dans le dernier parti, maintenant, il utilise ces choses-là comme exemple le chrétien. Nous sommes en train de parler de la piété, l'exercice de la piété, là, avant de nous ramener ici. Donc, il dit, mais nous, faisons-le. Quand il dit faisons-le, fais quoi? Non, regardez bien la phrase. Verset 25 encore, regardez bien. Tous ceux qui combattent font quoi? S'imposent quoi? Toute espèce d'abstinence. Parce que c'est que j'ai une course. j'ai un trophée à remporter. Alors, je n'ai pas mangé de sucre, par exemple. Je dois me faire abstenir des rapports sexuels. Je dois faire abstenir des choses pour pouvoir travailler dans cette direction-là. Ce sont les choses qui peuvent m'empêcher d'avancer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ici, il dit que tous ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Il dit, leur résultat, c'est pour obtenir une couronne. Vous allez chez les anciens champions, on a vu Joseph Bessala ici, là, qu'on a tapé, on a boxé, parce que maintenant, Mohamed Ali, quoi, vous le connaissez, en mourant, vous avez vu ce qu'il a fait. On a boxé sa tête, boxé, c'était pour lui donner les médailles. Il a quelque chose à dire que j'ai, en 1960, tapé telle personne. La médaille, là, ça sert à quoi? Correcteur à poussière. Correcteur à poussière. Pas vrai, frère? Il dit que c'est pour obtenir une couronne corruptible. Il dit que, mais nous, faisons-le. Faisons-le. Quand il parle de faisons-le, il désigne quoi? L'abstinence. Voilà. Maintenant, si tel est le cas, on va se poser la question, ok, maintenant, ceux qui confondent des abstinences, ils doivent s'abstenir effectivement de quelque chose qui leur était propre. Ça veut dire que les choses que nous devons faire dans le cadre de la piété, parce que ici, c'est nous tournons dans le cadre de la piété, parce que la piété, parce qu'on dit qu'ayant l'espérance de tout, la vie présente et la vie future. Donc, on parle de la piété ici. Et par conséquent, on dit faisons-le. Donc, il y a des abstinences à faire. Donc, la question c'est s'abstenir donc de quoi? Vous êtes dirigeant. On doit s'abstenir donc de quoi? Il dit l'exercice corporel. Ce qu'il t'a dit là-bas, la même chose ici. L'exercice est utile pour peu, oui. Il fait le sport pour maintenir, c'est pour brûler les calories, oui, c'est bon. Mais il dit mais l'exercice de la piété. Mais la piété est utile à tout. Donc, ça veut dire que la piété fait ce que le corporel devrait faire et au-delà. Alors donc, ça, c'est quoi la piété dont il parle? C'est 1 Timothée 4, 8. Et il dit qu'on s'exerce comme ça. Puisque vous sortez chaque fois, vous avez un parcours vital, n'importe où, vous faites des exercices, non? Pour que le muscle soit bien. On fait des exercices, on fait des abdos, on fait des exercices. Après, vous rentrez, on compte comme ça. Le sang est purifié, on brûle les calories, les mauvaises graisses sortent du corps. Il dit qu'en faisant l'exercice de la piété, ça fait ça. Et au-delà. Donc ça travaille sur ton corps physique, ton corps spirituel. Parce qu'arrêter les corporels, c'est pour le corps aussi. La piété passe à l'intérieur, ça passe de toi au clé. C'est ce qu'il vient de nous dire. Alors donc, c'est quoi la piété donc, qu'il vient de nous dire? Parce qu'on a dit que nous faisons-le. On a dit faisons-le. Donc on a des abstinences à faire en faisant la piété. Pas vrai? Voilà. Donc on a pas une mentalité de gagner le trophée dans le monde. Ni de récompense dans le monde, comme on a vu dès le départ. On a une mentalité. Notre but, c'est que le Seigneur soit content de nous à la fin. Entre ici, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Donc, tu as eu affaire, tu as été fidèle pour peu de choses. Prends donc la gouvernance ici, c'est ce qui est là. N'est-ce pas, mes frères? Alors, c'est vrai que quand vous lisez la Bible, ce sont des injonctions qu'on nous donne. Faisons-le. C'est une injonction. C'est un commandement donc. Ça veut dire que tu dis, je lis la Bible seulement chaque fois. La Bible n'est pas faite seulement pour lire. On dit qu'il faut méditer pour agir. Alors faisons-le. Faisons-le concis. Donc, on fait donc quoi? Vous avez compris? Abstinence. Ça veut dire qu'il y a des abstinences que c'est vous que devez vous faire. Vous voyez, quelqu'un dit aujourd'hui que compris, c'est moi à la croix, je ne peux plus gêner. Vous voyez qu'il n'a pas compris les saintes écritures, pas vrai? Il y a des gens qui ont des difficultés à gêner. Si vous avez des difficultés à gêner, vous avez un problème d'ordre spirituel. Alors il faut briller, il faut passer là au-dessus pour pouvoir commencer maintenant avec le jeûne. Vous servez le Seigneur en tant que dirigeant, vous ne pouvez pas continuer sans vous gêner. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, vous allez seulement rester derrière. À un moment donné, vous allez croire que c'est la Bible, là, c'est le compte des faits. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a la sainteté qu'il faut entretenir dans le jeûne. Il y a les niveaux que vous devez entretenir avant d'avancer, vous devez avancer par le jeûne. Autrement dit, il y a un prix à payer pour perdre le troupeau de Dieu. Il y a un prix à payer pour perdre le troupeau de Dieu. Parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Vous n'allez pas les gars. Vous ne savez pas qui est devant vous. Vous ne savez pas qui Dieu va envoyer. Vous ne savez pas qui Satan va envoyer. Et par conséquent, il faut être à même d'être prêt. C'est pas le jour où quelqu'un va venir comme ça que c'est un sataniste qui va dire attends d'abord et pas gêner, j'ai pris. Je vais venir, tu vas voir que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois être préparé. La Bible déclare qu'on doit se préparer parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne vous attendez pas un jour voir un démon sortir, on va tomber. C'est vrai qu'on va venir sur la terre comme ça physiquement. Mais pour le moment, ça se trouve dans les êtres pour venir confronter les gens. Pas vrai? Alors ça veut dire que quand vous partez, vous allez prêcher, quand vous partez n'importe où, vous voulez partager la parole, ne dites pas que non, tout le monde est chrétien. C'est pour ça que la Bible parle des faux frères qui étaient furtivement. Si Paul, avec le Saint-Esprit, le niveau qu'il avait, il dit que c'était furtivement glissé au milieu de nous. Le jour qu'il était glissé, Paul l'avait appelé quoi, frère? Bonjour mon frère. Mais c'est pas la chose que Saint-Esprit a révélé sa vraie nature. Vous pensez que quand Judas Iscariot marchait avec Pierre, là-bas, il mangeait, il posait les choses comme ça, il pouvait savoir qui il était. Mm-hmm. Mais le démon était en train de les regarder comme ça que Pierre, toi-même, là, vous étiez traité. Alors, vous voyez effectivement que si ce n'est pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher. Alors, l'exercice de la piété doit être un. C'est la base, c'est le secret, c'est là où se réside le secret. Et regardez donc depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir effectivement que tous, sans exception de ses serviteurs, ont exercé la piété. C'est la piété. C'est la piété, c'est la vie de piété. Parce que la vie de, dans la vie de piété se trouve résider la consécration. À l'intérieur. La consécration de Dieu ne vient pas à l'issue du fait d'une congrégation humaine, on te verse l'huile sur la tête. Ce n'est pas ça dont il est question. Dans la piété se trouve dans le lieu de résidence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est à ce moment où Dieu te consacre à son service. La piété. T'équipe pour les combats spirituels futuristes. Dans la piété. C'est le lieu de résidence là-bas. Où les l'onction, voilà comment ça se passe. Bon. Nous faisons-le. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le. Donc, abstenons-nous des choses. Quelles sont les choses que nous devons t'abstenir? Ce n'est pas abstenir pour toujours, que non. Parce que si tu es un marié, tu ne dois pas dire que tu veux m'abstenir pour toujours pour le rapport sexuel. Si tu veux faire de cette façon-ci, si tu n'es pas marié, si tu veux t'abstenir pour le rapport sexuel, alors il ne faut pas te marier. Donc, on dit, dans ces cas, tu réponds à la condition de Enoch qui se forme comme ça pour le royaume. Vous voyez? Et donc, la Bible dit que pour le mari, ne vous priez pas l'un et l'autre, sinon c'est pour un temps, pour vaquer à la prière. C'est pas ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, il dit pour un temps, pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Notez 1 Timothée, 1 Pierre encore. On arrive. Notez 1 Pierre, vous donnez le passage tout à l'heure. 1 Pierre. Il dit pour vaquer à la prière. Dans 1 Pierre, il dit soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière, ça veut dire quoi, frère? Vaquer à la prière. Vous dites que chaque personne va à son occupation, non? Maintenant, appliquez à la prière, vous voyez ce que ça dit. Que pour vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Maintenant, vous vaquer à la prière. Vaquer à la prière, ça veut dire que vous partez prier, c'est ça? C'est consacré. Donc, il y a un temps que vous devez consacrer spécialement pour cela. Alors, si vaquer à la prière, c'est aller à la réunion de prière, c'est que vous aurez le problème. Parce que vous allez dire, ok, non, nous devons prier chaque semaine. Vous avez fait comment avec des rapports sexuels. Donc, bah, effectivement, il y a des moments où vous devez vous retirer véritablement pour vous concentrer là-dedans. On a des problèmes. Il dit le lion rôde cherchant qui les aide. Vous vaquez à la prière. La fin est proche. Vaquez. Il dit que soyez sages et sauvés pour vaquer à la prière. Jésus, notre Seigneur, dit veillez et priez afin que vous ayez de la force pour résister à la tentation. Donc, ça veut dire que dans la prière, pendant que vous en avez prié, le Seigneur vous équipe. Et vous priez, vous équipe. Parce qu'il dit que veillez et prier afin que vous ayez la force. Donc la force est plus là-dedans. Pour pas rester comme ça, c'est Dieu qui nous protège. Oui, mais la prière, c'est déjà en prière, non? J'ai le sang de Dieu qui est sur la bouche. Le Seigneur dit, on voit le sang à gauche, on voit le feu à droite. Quand ça va venir, vous allez voir que les tentations là traversent le feu et le sang là. Vous allez maintenant dire si le sang de Jésus Christ est moins fort que la tentation. Alors ça veut dire que c'est l'homme intérieur qui doit être équipé. Regardez ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il dit que ils sont maltraités, mais non réduits à silence. Vous voyez? Toujours portant la mort de Christ en eux afin que la vie soit manifestée. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous avons lu, à partir du verset 1, au verset 16, 17 et 18, il dit quoi? Il dit, et même lorsque ce corps extérieur se détruit, notre corps intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, nous savons effectivement que si ce corps-ci, dans lequel, chapitre 5, verset 1 et suivant, dans lequel nous habitons, est détruit, nous avons un autre qui nous attend. Donc, ça veut dire que quoi? Et il dit que nous savons effectivement que cette chose, ce qui nous arrive maintenant, les choses, il appelle ça les souffrances, les légères souffrances du moment, ne seront être comparées à la gloire qui doit être révélée pour nous. Donc, ça veut dire, quel que soit, dans la marche de la sainteté, comme vous voyez là, ça va vous détruire le corps. Détruire le corps charnel, détruire. Et la destruction de ce corps charnel, l'amenuissement de ce corps charnel, c'est le symbole même de la construction du corps, l'homme intérieur, qui en est de se former et qui s'est perfectionné. Voilà ce qu'il en est. L'homme intérieur doit être travaillé. Le travail spirituel, le travail de âme à âme se passe par l'homme intérieur. Pas par la connaissance, pas par l'intellect. C'est pas la suite d'arranger les mots, de manipuler les mots, les versets qui fait que ça agisse à l'intérieur. C'est qu'il faut que ton âme, ton homme intérieur ait rencontré le Saint-Esprit. Quand c'est uni avec le Saint-Esprit du trou envoie la parole qui est dirigée, qui doit diriger dans le cœur humain pour le faire transformer. Tu me suivais, frère? Exerce-toi à la piété, dit-il. Rentrons dans le livre de 1 Timothée encore. 1 Timothée 4, nous n'avons pas encore fini. Exerce-toi à la piété. C'est un commandement, oui ou non? Oui. C'est un commandement, n'est-ce pas, frère? Amen. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Et Dieu merci que le Saint-Esprit ait mis ça ici au singulier. Il n'a pas dit exercez-vous. Il a dit exercez-toi à la piété. En tout cas, regardez, notez 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 22. Notez même jusqu'au verset 26, parce que sinon on va encore citer le même verset. Exerce-toi à la piété. Maintenant, 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à notez jusqu'au verset 25, verset 6. Maintenant, dans ces 2 Timothée chapitre 2, il dit que dans une grande maison, il n'y a pas que des vers. Regardez bien, nous sommes dans la maison, observez les vers qu'il y a là-bas. Observez les vers. Il dit qu'il n'y a pas de vers de grande importance. Il y a aussi des vers de petite importance. Puis il dit maintenant, il offre le livre court au vase. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera. Vous voyez cela? Si quelqu'un s'abstient, il sera un vase d'eau. D'honneur. Comment? Sanctifié. Pas être utilisé par qui? Par son maître. Alors, je veux que le maître m'utilise. Il ne s'agit pas de lire la Bible. Il s'agit de lire la Bible et laisser la Bible nous nettoyer. C'est-à-dire commencer à agir en conséquence. Maintenant, je veux que le maître m'utilise. Il dit que si quelqu'un s'abstient de ces choses, je ne peux pas lire en continuant à manifester ce que la Bible a demandé de m'abstenir. Comprenez, frère? Il dit qu'il sera un vase d'honneur. Et l'apôtre Paul nous a dit tout à l'heure, dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor-là, pour que tu sois un vase de terre, pour que ce trésor-là puisse être en toi, caché en toi, pour être bénéfique pour les êtres humains, il y a des abstinences. L'apôtre Paul dit que lui, qu'il a tout abandonné pour Christ, pour la cause de Christ. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a donné? Donc, il a décidé de payer le prix, n'importe quoi que ça peut lui coûter. Monsieur le frère, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, l'exercice corporel, il parle du sport. Alors, ne croyez pas que le sport, c'est parce que tout à l'heure, nous avons lu un Corinthien, là, tout à l'heure, qui a dit que ceux qui courent au stade, dans le stade, donc, effectivement, ils faisaient les Jeux Olympiques ont commencé, ils savaient qu'il y avait les Jeux Olympiques. Donc, ils faisaient des abstinents, des gens faisaient des abstinents pour s'entraîner, pour aller faire la course dans le stade. Ici, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le jeûne, dans les prières, dans les jeûnes, vous multipliez les jeûnes, les veillées. À cet instant-là, ça travaille dans votre corps. Et remarquez bien, j'ai remarqué il y a une thérapeutie maintenant que les Chinois avaient organisée. Ils ont commencé à remarquer effectivement que ceux qui avaient le cancer, on les mettait à un jeûne, on se met dans le jeûne, le cancer se détruisait. Vous avez remarqué ça? Vous avez vu ça? Comment ils ont pu savoir que le cancer peut être détruit par le jeûne? Donc, ouais, vous pouvez avoir une maladie. Vous dites, je suis malade. Non, ma maladie, frère, j'ai un mal de stomac qui m'empêche souvent de jeûner. Tu mens. Quel que soit le mal que tu puisses avoir, quel que soit le mal que tu peux jeûner, quel que soit. Parce qu'en fait, dans le jeûne, parce que la Bible déclare ici, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et la vie à venir. Donc, ça veut dire que s'il y a une maladie maintenant, vous jeûnez, ça nettoie automatiquement. Votre corps commence à être soumis à votre esprit. Au point où la maladie vient, il est effrayé. Elle est effrayée. Oui, n'est-ce pas, frère? Le frère, si je fais commander mes médicaments qui prend à 12h, à 13h, à 14h, tu parles. Alors, l'exercice. Vous dites, Seigneur, il veut que ce temple ce soit pour toi. Alors, maintenant, je force la vie. Il y a un prix à payer. Au début, un jour, deux jours, trois, avant vous menacer. Après ça, vous ne vous souvenez même plus de la maladie. Écoutez la voix là maintenant. Vous voyez cela? Amen. Vous voyez cela? Oui. Après un jour, deux jours, trois jours, ça va vous menacer. Mais vous ne vous souvenez plus de la maladie. Ça sera terminé. Parce qu'on a dit, Dieu a dit, si tu t'engages dans l'exercice de la piété, il y a une promesse derrière. Une promesse de la vie présente. Quelle est la promesse de la vie présente? Alors, regardons bien. Vous faites le sport pourquoi? Pour entretenir le corps, que ce soit en bonne santé. Non. Ça, c'est utile pour peu. Ici, c'est utile pour et la vie présente. Qu'est-ce qu'il y a à la vie présente si on est dans la santé? On continue, frère. Vous êtes fatigué? Non. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous avez su ça, hein? Donc, la parole est certaine. Exercice corporel est utile pour peu. Exercice de la piété est utile pour tout. Pour votre santé, votre forme, le cholestérol, la régulation de votre temps, l'hémoglobine, l'insuline, le problème d'insulino, insulino dépendant, exercice de la piété, il y a une promesse derrière, dit la Bible. Et Dieu, et le Saint-Esprit dit, c'est là une parole certaine, digne de tout le monde. Vous dites, je suis malade, quand j'ai la sueur entre les mains, ma même panette, s'il ne mange pas à midi, il faut qu'il prenne un peu de sucre pour stabiliser l'insuline. Il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il faut recevoir cette parole. Si vous ne la recevez pas, ça n'aura point d'effet. Alors, je ne vais pas avec la peur. Ouh. Verset 10. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. C'est quand même frappant la façon que mon grand-père décale les paroles. Vous vous posez la question, il finit de parler de telle ou telle chose. Subitement, il commence à dire telle chose. Regardez bien, nous travaillons. En effet, et nous combattons. Il vient mettre ça dans un endroit où on a demandé à quelqu'un de recevoir telle chose. Recevez cette parole aussi parce que c'est, vous devez la recevoir parce qu'en fait, elle est digne d'être reçue. Donc, vous devrez la considérer. Il dit, nous travaillons. Dans le travail que nous faisons là pour Dieu, il y a du combat. Et nous ne mettons pas notre espérance sur la chair ou quoi que ce soit, mais sur le Dieu vivant qui est le sauveur de quoi? De tous les hommes, principalement le croyant. Donc, maintenant, ça veut dire si Dieu fait des choses bonnes pour le croyant, pour les hommes, pour le non-croyant, principalement pour le croyant, il doit travailler pour vous. Donc, dans la vie, si vous consacrez dans la tâche de l'exercice de la piété, sachez que vous y allez, il y a l'espérance que le Dieu vivant est vrai, il a le regard sur vous. Parce que non seulement il a le regard sur tout le monde, mais sur principalement les croyants. Donc je suis malade, frère. Imaginez un être humain qui est obligé chaque fois, il a des tas d'aiguilles. Il est obligé de piquer ses bouts de doigts comme ça. Pour appuyer, il appuie sur un truc pour faire. Le taux c'est 110 aujourd'hui, c'est bon. Mange le Dieu. Dieu a fait, c'est ça que Dieu veut, frère. C'est ça que Dieu veut. Le secret, l'exercice de la piété. L'exercice de la piété, les docteurs vont dire que qu'est-ce qu'il y a, tu as pris qu'un remède. Tu vas dire que tu as mangé là. Le sang de Jésus. Verset 11. Déclare ces choses. Merci Père que je veux déclarer aujourd'hui. Déclare ces choses et enseigne-les. C'est le verset 11. Vous avez vu cela? Donc, au milieu chrétien, on doit normalement enseigner aux gens qu'au lieu de passer le temps dans le sport, une, deux heures comme ça, passez ça dans l'exercice corporel, de la piété. Convertissez cela. Remarquez très attentivement, on dit c'est utile pour peu. Donc, quelqu'un a le libre choix maintenant, dans ce verset 8 du chapitre 4 de 1 Timothée, de faire l'exercice corporel, sachant qu'il n'y a pas de promesse derrière. Il y avait un extrait vidéo que je voyais sur WhatsApp, où quelqu'un a combiné les Nayanka Bell, Arnold Schwarzenegger, qui avait des muscles, qui faisait des muscles comme ça, là. Et subitement, on a mis leur vieillesse. Quelqu'un fait le muscle, tu dis j'ai le plaquette de chocolat, attends, ça va devenir un bonhomme de ces jours. Vous allez voir effectivement tout ce que tu as fait, ce n'est que, comme notre grand frère dit, vanité. Regardez les Nayanka Bell, il a montré des vidéos où des personnes qui ont couru dans la gloire, qui étaient considérées comme jadis comme les beautés. Vous pouvez faire une fois quoi, dire que vous on vient à la télévision, dit que médicaments anti-rides. Avant ça, vous avez le ventre plat, prends toujours. À un moment donné, c'est eux qui vont encore soigner le médicament que non, c'est pour nettoyer ce qu'on a mis en toi. Anti-rides. Les rides vont sortir. Médicaments anti-vieillesse. Il n'y a pas de médicaments anti-vieillesse. Vous voyez? De la même façon qu'on vous est né, depuis votre esprit ne grandit pas comme ça, il s'agrandit en connaissance. Votre esprit est identique, à l'intérieur, vous êtes identique depuis. C'est ce qui vieillit. Or, la Bible déclare que n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. C'est l'intérêt qu'il faut le faire. Maintenant, la Bible déclare donc que exerce-toi la piété, car l'exercice corporel. Remarquez très attentivement, tu n'as pas dit que ne vous exercez pas corporellement. Il a dit que voici ce qui est meilleur. Ceci est bien, ceci est meilleur. Les deux choses, soit choisissez ce qui est bien, ou choisissez ce qui est meilleur. Mais ce qui est meilleur a deux volets. Promesse de la vie éternelle et promesse de la vie présente. Ceci n'a aucune promesse. Vous choisissez quoi, frère? Il m'en douterait si vous dites ici que vous choisissez ou ne choisissez pas ce qui est meilleur. Mais il ne s'agit pas de confesser que j'ai choisi. Il s'agit d'y foncer. Il s'agit d'être de t'y engager. C'est ça qui a meublé ma vie depuis ma conversion. Depuis. Ce sont les choses que j'ai vues dès le départ. Quand j'ai vu cela dès le départ, ce n'a pas été appris par tout le monde, par quelqu'un ou quoi que ce soit. Il dit va comme ça. Et puis il voit, tu as vu ces secrets, oui, tu as vu cela, oui. Il dit que je t'enverrai déjà à qui tu vas le montrer. Je vous montre, il n'y a pas de façon. Quand il dit je vais vous parler, vous avez vu que je ne parle autrement. C'est la Sainte Écriture, c'est là dedans. Mais si on ne vous fait pas plonger dans ces paroles, vous allez lire, souligner et traverser. Souligner et traverser. Et rester identique. Maintenant, il y a quelque chose qui devait venir sur notre pays. Il faut qu'on soit équipé déjà. Parce que le moment viendra où on n'aura pas le temps de lire la Bible. Le moment viendra où on n'aura pas le temps de lire la Bible. Il est temps maintenant qu'on y plonge. Je crois qu'il y a des femmes, voilà les gens, les. Viens penser, il y a des gens qui doivent venir là pour la prière. On prépare pour donc. Alors, ici, si on pose l'exercice corporel, l'exercice de la piété, c'est clair qu'en tant que dirigeant, vous devez dire que vous voulez choisir quoi? La piété. Mais que vous ensemble, vous faites une semaine, vous ne gênez pas. Vous faites une semaine, vous rassemblez, vous ne gênez pas. Vous pensez que c'est normal. Il dit, vous, en tant que dirigeant, vous faites une semaine, vous passez une semaine, 7 jours, vous ne gênez pas. C'est normal. Vous voyez, comme pour ramener le jeune en voyant que vous avez cassé, c'est normal, frère. Vous pensez que si vous, donc, les guides, les dirigeants, vous faites comme ça, qu'est-ce que les croyants vont faire? Pourtant, il y a des choses qu'ils doivent voir, ils doivent passer par le jeune pour pouvoir s'en sortir. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de jeune 40 jours, 7 jours, tant que tu ne l'as pas fait. Parce que tu dois montrer le chemin que tu as suivi. Tu dois montrer le chemin que tu as suivi. Sinon, ne donne pas de commandement à quelqu'un que dit, fais tes choses alors que tu ne fais pas. Fais pas. Parce qu'il a dit que vous devrez être des modèles du troupeau. Et gardez-moi à l'esprit qu'on ne le fait pas pour une couronne ici. On le fait pour être apprécié du Seigneur. On ne le fait pas pour se vanter devant les gens pour dire que non, nous sommes trop spirituels. Ce n'est pas de ça la question. Parce que de la même façon que tu veux les faire travailler, tu en es d'avancer. Tu les avances pour les amener à ce niveau-là. Où tu viens, n'est-ce pas? Donc, nous avançons vers le Seigneur. Plus on va vers la lumière, plus qu'on découvre, c'est pour amener les frères, à ce que les frères soient là-bas. Sinon, ces choses, ça va vous ennuyer. Ça vous ennuie parce que les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Il y a des problèmes qui vont toujours continuer à venir. Et tant que les problèmes ne sont pas résolus, vous allez faire comment? Vous allez vous réunir là-bas avec des problèmes. On va continuer avec les rituels chrétiens, tout simplement. Ça sera la religion encore une fois de plus. Il faut que vous fassiez la différence. Vous êtes prêts à faire la différence, frère? Amen. Ok. Vous êtes prêts à faire la différence? Amen. Il y a un prix à payer. Si quelqu'un vous dit que non, vous vous imposez, mais vous recevez l'esprit comme ça, vous allez avoir l'onction pour travailler. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Si on vous impose les mains, vous recevez le Saint-Esprit comme de cette façon-là. Il y a quelque chose qui va venir. Vous devez travailler. En tout cas, si vous voulez équiper pour le ministère, il n'y a pas deux façons. Il y a la mort qui va intervenir dans le corps d'abord. La mort de Christ doit intervenir comme l'apôtre Paul a dit, afin que la vie de Christ puisse être manifestée. Il n'y a pas de puissance de résurrection sans la croix. Il doit passer par la croix pour que la puissance de résurrection puisse se manifester après. Alors on a des problèmes. On a des problèmes. On peut continuer. Et bien, on prend une pause. Prenons une pause là. Non, il faut qu'on finisse ces choses-ci. Alors, verset 11, il dit, déclare ces choses. Vous avez vu tout ce qu'on a déclaré depuis, n'est-ce pas? Et enseigne-les. Mais qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui aux gens? La vanité. Dieu va te bénir. Si tu fais comme ça, Dieu va te bénir. Dieu va remplir ton cas. Regardez bien. Voici ce qu'il dit. Déclare ces choses. Et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Comme quoi, dans l'enseignement, il n'est pas question de jeunesse selon l'âge. Il est question de la maturité. De la maturité. Il dit que personne ne méprise. Parce que quand il va se positionner là-bas, quand on va parler, il va dire, regarde, s'il a 2, il a 22 ans, il me parle quoi comme ça. Ce n'est pas lui dont il est question. Regardez Jésus donc à l'âge de 12 ans au temple. Quand il parlait, on pensait que les gens qui étaient là comprenaient. Mais c'était la chose qui était la sagesse. La Bible déclare, quand tu prends cette Bible, ça entre dans ton cœur, la sagesse viendra dans ton cœur. Tu vois, ça parle, les gens vont dire que l'enfant c'est un vieux. Il n'est pas de cette siècle-ci. C'est pas ça le problème. C'est la sagesse qui est à l'intérieur. Il y déclare ces choses et enseigne que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Soulignez, frère. Soulignez. Verset 12. Sois un modèle pour les fidèles. Ok. Donc, vous qui êtes dirigeant, vous commencez à voir effectivement que, comme j'ai pris l'exemple dès le départ, si vous êtes guide pour conduire les gens dans la forêt, vous devez savoir vraiment où vous allez vous diriger. N'est-ce pas, frère? Vous devez savoir le chemin. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Donc, en parole, tu dois être quoi? Un modèle. En conduite, tu dois être quoi, frère? En charité, tu dois être quoi? En foi, tu dois être quoi? En purité, entouré de purité. Ha. Vraiment, on n'a pas beaucoup avancé. Tu as entendu quand même, non? Oui. Voilà, donc nous sommes toujours dans le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Remarquez très attentivement que si vous ne vous faites pas démarquer comme modèle, les gens vont regarder quelque part. C'est pour cela que vous allez voir effectivement que les gens sont envoûtés dans les assemblées. Parce qu'on leur a présenté, les moutons ont besoin de suivre quelqu'un. Qu'on ne veut pas, ils ont besoin de suivre. Il y aura des suivants, des suiveurs. Il y en aura toujours. Même si vous prenez le 7, la Bible déclare que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Qu'est-ce que ce sont des présentés? Qu'est-ce qui fait que ça soit captif? Regarde le monde. Vous voyez qu'un enfant commence à acheter des pantalons, il déchire, vous avez découvert une copie, il a fait ça distort. Commence à marcher comme ça, quand il se tord. Parce qu'un modèle lui a été présenté comme cette démarche-là qui est bien. Vous comprenez? Dans le milieu chrétien, ça se trouve. Vous allez voir maintenant, un prédicateur commence à se présenter. Quand il se présente, il fait le maquillage, il chole ses cheveux, il aime porter des chaussures pointues. Remarquez tous les garçons qui le suivent, vous allez remarquer que c'est la même chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le suivisme. Il va le suivre de la même façon. Parce que c'est normal, les brebis veulent suivre les bergers. Ils veulent suivre le modèle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en contraire? Si vous voyez que ces choses sont mauvaises, faites ce que la Bible dit. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles. Vous voulez jeûner? Jeûner pour que les fidèles aussi, ça les encourage aussi à jeûner. Vous voulez vivre la parole telle que c'est dit. Votre conduite doit être exemplaire. Vous attendez qu'on est le pasteur dans tel scandale. Le brebis, les brebis veulent être comment? S'il est dans tel scandale, pourra-t-il reprocher ça à une brebis? Non. Dans un, je crois que c'est un documentaire comme ça, au Nigeria, un pasteur qui était venu comme ça là. La femme est venue à l'église de nous demander, c'est une prostituée. Le pasteur est venu, il a couché une personne venue. Le pasteur dit qu'il veut finir faire scandale. C'est vrai que je suis membre de ton église. Vous entendez des choses comme ça, c'est pas un milieu chrétien. Il faut qu'ils viennent payer maintenant. Calme-toi, ne fais pas comme ça. Il dit, sois un modèle pour les fidèles en parole. Je crois que c'est la deuxième fois que nous trouvons ces modèles-ci. Dans un pied, nous avons trouvé cela, nous avons encadré cela. En étant le modèle du troupeau. Sachez donc que si vous êtes dirigeant, les yeux sont fixés sur vous. Sur chacune de vos actions. En fait, d'après la Bible, vous n'avez pas droit à l'erreur. D'après la Bible. Essayez d'écarter ce que vous allez dire, ce que les gens disent, non, c'est le travail de l'homme, l'homme est faillible. Dieu parle, c'est pour ça que je vous ai demandé d'entourer selon Dieu. Vous devez fonctionner selon Dieu. Si ce n'est pas selon Dieu, vous allez faillir. Alors donc, faites attention. Le ministère chrétien que Dieu a octroyé aux dirigeants, ça a été fait. Je veux que vous gardiez à l'esprit que Christ, sortant du ciel, venant sur la terre, a dû passer près de 30 ans dans cette tente de la mort, retenu dans cette tente de la malédiction, pour faire une œuvre. Après avoir fait cette œuvre-là, il laisse les brebis à faire peur. Donc toute l'attention du ciel est focalisée sur cette œuvre. Et donc si Dieu vous confie la tente, il n'a pas confié ça aux anges. Il n'a pas confié ça aux chérubins, aux séraphins. Il a confié à des hommes sur la terre, qu'il a racheté du milieu de la terre. Il est confié une œuvre dont tout le ciel a attention. Gardez-vous cela à l'esprit. Quand vous entendez un homme, quelqu'un quelque part, le chef d'un homme, quelqu'un dit que merci pour la confiance que le chef d'État me fait. C'est-à-dire, en te désignant à ce poste-là, il veut parler, dit toi, parmi les gens, ce n'est pas parce que tu es meilleur parmi tout le monde. Je t'ai fait confiance à cela. Pas vrai, frère? On lui dit, je te remercie pour cela. Donc, dites-vous tout simplement que le Seigneur, si le Seigneur nous désigne comme des dirigeants, nous ne devons pas manquer du respect au Seigneur. Nous ne devons pas le manquer. Donc, nous devons faire tout pour accomplir ce pourquoi il nous a donné. Ça veut dire qu'il y a un cahier des charges qui nous est désigné pour pouvoir faire. Voici donc ça dans les Saintes Écritures. Sois un modèle. Ici, dans ces marches-ci, souvenez-vous de ce que ça veut dire. Vous pouvez être failli en tant qu'homme. Dans la marche de conduite du premier Seigneur, il n'y a pas de faille qui tient. Ça ne tient pas devant lui. Il a dit, sois fidèle en toutes choses. Bon et fidèle, c'est que tu as été fidèle. Fidèle, ça veut dire quoi, frère? Vous souvenez de Matthieu chapitre 25, chapitre 24. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Bon et fidèle. Quel est ce serviteur fidèle à qui que le serviteur, que le maître a établi sur les gens, sur ces gens, pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Il est heureux, ce serviteur, que son maître en venant, le voyant faisant un. Ainsi. Donc, ainsi, ça lui fait selon la volonté, selon Dieu. Dieu a dit qu'il fait comme ça. Fais comme ça. Vous me suivez, frère? Voilà. Maintenant, dans cette marche-ci, souvenez-vous une fois de plus. Vous ne faites pas ça pour les hommes. Même pas pour ceux pour qui, ceux qui vous exercez. Parce que la compréhension humaine de certaines choses de Dieu sont tellement terribles que même quelqu'un que tu veux aider peut vouloir te faire du mal. Mais vous devez prendre position pour Dieu et d'après Dieu. Quel qu'en soit le cas. Mais je vais faire. Amen. Ok. Alors, lorsque la Bible parle des dirigeants du troupeau, donc là, il leur donne quelque chose. C'est ça qu'ils doivent être équipés. Il leur donne un équipage. Comme là, il a dit au prophète Ézéchiel, prends l'équipage des pasteurs, des bergers. Il y a un équipage que tu dois utiliser. Il y a des sujets. Vous voyez, n'importe quel berger là-bas, il a sa petite trou avec l'eau ici pour boire chaque fois avec son bâton, pour pouvoir les diriger chaque fois. Tu es berger, mais tu n'as pas de bâton. Et où est-ce que la verge, là, c'est le symbole de l'autorité. L'autorité de... Vous savez, tout un troupeau de bœufs comme ça, là. Vous voyez un petit mince garçon. Est-ce que vous voyez, c'est les gens, les nomades qui marchent avec eux. Ils ont tous le même petit bâton. Avec l'autorité, c'est le mot tché. Il suffit qu'il dit tché. Tape le bâton au sol. Les gars se mettent en ordre. N'est-ce pas, frère? Oui. 2 Corinthiens. Alors, c'est un 2 Corinthiens. Regardez. 2 Corinthiens. Chapitre 10. Verset 5 à 11. 2 Corinthiens 10, verset 5 à 11. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Oui. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Oui. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Vous entendez ce qu'il dit? Continuez. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais, présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Donc, des gens disaient que la faute, mais le gars, s'il est dur dans ses paroles, hein. Quand il écrit comme ça, il écrit. Mais quand il est là, on le voit simple. On dit que mais, c'est même l'apôtre Paul qui a écrit la fin là. Il dit que les gens disent que c'est comme ça qu'il est. Mm-hmm. Que quand il écrit la parole, c'est comme si c'est cache pour dire. Il dit que quand les gens parlent comme ça, que sachez que l'autorité que Christ nous a donnée, c'est pour votre édification et non pas pour votre destruction. Il dit que Christ leur a donné une autorité. Justement, il parlait de l'équipage des pasteurs, l'équipage des bergers. Continue, mon frère. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Maintenant, prends le verset 1 à 3. Non. Verset 1 à 3. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme marchant selon la chair. Aha. Donc, l'apôtre Paul dit là qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu du monde. Faites attention. Il dit, je me propose d'utiliser le mot, il écrit le mot hardiesse. Que ne me poussez pas à employer cette hardiesse là sur vous. Il a remarqué le mot contre vous quand je serai présent. Vous savez de quoi il a envie de parler, frère? Mais c'est ça, il car les âmes avec lesquelles, écoutez bien, parce que ça, on aime citer ça, mais on sait pas ce qu'il a envie de dire. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Charnelles. Elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il est pour renverser les raisonnements. Maintenant, il dit qu'il a venu dans le milieu, quelque chose s'est passé, les gens ont parlé des choses, il dit que je m'en viens vers vous. Ne faites pas que j'emploie cette hadith. Donc vous voyez qu'il y a l'autorité. Donc les prédicateurs ont des âmes offensives et défensives. Pas le bavardage. Regardez bien, dans H.13, vous connaissez Elimas. Pendant qu'il allait parler, il s'est tourné vers lui et dit que, fils du diable, ouvrier d'iniquité, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies de le Seigneur? Voici l'obscurité, tu viens mourir sur toi. Quand il a fini, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comment, frère? Où est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas? À cet instant, il a déclaré. Regardez Pierre, l'apôtre, dans H.3, quand il a regardé ce paralytique, il dit, si vous voulez visiter deux, il veut lui et Jean. La Bible déclare que le paralytique a fixé le regard sur eux, les deux. Pierre s'est tourné, il a dit, il n'a pas dit ce que nous avons, il a dit ce que j'ai. Je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et mange. Ça, ça ne concerne pas l'apôtre Jean. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ici, les prédicateurs doivent être équipés. Pour qu'on soit équipé, il y a un secret. Exerce-toi à la piété. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question chaque fois que, ouais, mon don c'est quoi? Et là c'est comme ça là. Après avoir mangé, il boit bien. Ouais, frère, dis-moi, mon don c'est quoi? Manger, boire. Manger, c'est manger et boire. C'est ça, manger, boire. Souffle, c'est comme ça. Ça se trouve dans la prière. Dans la prière, à genoux. Dans la prière. Quand en 2000, je crois, 2009, il y avait un ami avec qui je dormais. Quand il sortait le matin pour aller au travail, il sort le matin, il dépose la Bible devant de moi. Je suis là, je lis, je prie. Le frère est en train de dormir. C'est ça le frère. C'est quel verset déjà, hein? Tu es perdu. Ah, on va prendre une pause alors dormir. On va prendre une pause, d'accord? Alors, je me mets à genoux, je prie, je me mets à genoux, je prie. Et par il rentre, il vient déposer ça à côté de moi. Il dit pour ma tête, je dis oui. Je n'ai même pas su que ma tête est passée. Je n'ai même pas su combien de temps j'étais là-bas. Tellement, frère, vous êtes jeté dans ces choses, vous êtes perdu là-dedans. Après, je me tourne vers lui, il parle du frère Christian. Il me regarde comme ça. Il dit que tout est faux là-bas dehors. Il pose à côté de moi, il dit quoi? Faux. Si vous êtes superficiel, vous pourrez être superficiel. Il dit, non, je me dis, tel est faux. Il dit, mais c'est faux. Tout ce qu'ils font là, c'est faux. Parce que quand tu plonges là-dedans, c'est autre chose. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. On peut les manipuler n'importe comment. Et tel est faux, oui. Tel est faux, oui. Là, on s'est bougé comme ça. C'est sûr que quelque chose ne va pas sur moi. Demandez à la gloire. En 2009, quand il bavardait, il n'entrait pas dans les détails comme ça. J'ai donné ça brutalement. Chacun son. Il sait ce qu'il s'est bavardé partout là-bas. Il y avait un autre qui était venu un jour quand on partait baptiser. Il était assis à côté de moi. Oh, le Seigneur m'avait montré quelque chose le concernant. Il dit que je l'ai vu glisser sur un pot de banane. Je suis venu, il dit que toi. Il ne bavardait pas souvent. Maintenant, il dit des choses en parabole. Il dit des choses plutôt en cachant. Il dit qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il dit que toi, je t'ai vu glisser. Il dit, moi, oui, une semaine, il a glissé exactement comme ça. Il s'est tenu à côté de moi, il dit, mais pourquoi tu n'équilibres pas la prédication? Donc, lui, il est devenu le Saint-Esprit maintenant. Il me dit, pourquoi tu n'équilibres pas la prédication? Il dit, pourquoi? Équilibrer comment? Il dit que les vents cassent nous prêchent quand même la sainteté, mais il équilibre quand même vers la prospérité. Dit, ah. Donc, s'il prend la prospérité, ça sert, l'enseignement est équilibré. Voilà, ça parle d'équilibre. Donc, parce qu'il entend des bons messages là-bas, il entend. Quand il dit comme ça, il prêche encore sur la difficulté de la vie, bien même. Après les perceptions, il faut qu'il y ait des pasteurs qui disent, hey, ça ne sert à rien de réciter la Bible, de réciter le verset sans que ce soit vrai pour toi. Ça ne marchera pas. Oh, je suis fils, nous sommes fils. Frère, est-ce que vous savez que vous êtes fils du roi des rois? Vous avez entendu le fils du pauvre bien se crier, quand on dit le fils du pauvre bien. Quand il passe, les gars, ils courent. N'est-ce pas, frère? Maintenant, on dit que tu portes la veste, il faut venir. Et on montre la télévision. Ceux qui portent la veste sont devant, on les montre bien que tout va bien. C'est eux qui portent la veste, là, qui savent c'est quoi passer, pourquoi ils traversent. Parce que quand tu rentres à la maison, le tapioca, personne n'a pour nous ouvrir le tapioca des difficultés qui est à la maison. Donc la veste ne couvrira pas, ça ne sert à rien, absolument à rien, de vouloir faire paraître alors que tu n'es pas. Alors la Bible doit être vraie dans ta vie. Pour cela, il faut que vous dites, prenez du temps. Quand Dieu dit à quelqu'un que ce livre, il dit ça à un prophète. Un prophète. Que ce livre de la loi, mais selon un point de ta bouche, médite le jour et nuit. Il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc si ta vie dépend de la parole sera là pour venir sur toi. Maintenant, quelqu'un dit la Bible une fois, après il dépose comme cela, il oublie. En tout cas, si vous lisez la Bible constamment, avant d'avancer, vous allez oublier ce qui est derrière. Imaginons quelqu'un qui lit, fait une semaine de lire. Vous allez aller enseigner quoi au juste? Pas étonnant que vous allez avoir, vous allez enseigner une chose contredit à une autre chose. C'est pour ça que vous voyez, tous les enseignements presque sont inconsistants dehors. Parce qu'on va dire une chose aujourd'hui, dire le contraire demain. Les choses de Dieu ne sont pas contradictoires. Ça doit être depuis la vie chrétienne jusqu'au salut. Tout est construit de façon harmonique. Comme un parfum qu'on dépose, on dépose. Et quand on voit la beauté, la maison est bien arrangée. C'est comme ça. Une chose ne peut pas contredire une autre. La porte ne devient pas la fenêtre, la fenêtre ne devient pas la chaise. Chaque chose a ça. À sa place. Mais vous êtes supplié que quelqu'un vient enseigner une chose aujourd'hui, demain vient enseigner le contraire. Pourquoi? La superficialité. On ne doit pas être superficiel. Pour ces choses-là, vous devez vous entraîner au pied du Seigneur. Donc, vous devrez aller vous-même. Hormis la parole, vous voyez comment chacun voit la parole. Chacun voit la Bible. Maintenant, il y a une grâce pour pouvoir y entrer. Il y a une grâce pour y entrer. Il y a une grâce pour en ressortir avec ce pourquoi c'est destiné. Parce que ce pourquoi c'est destiné pour celui, c'est pour toi, pour chacun de nous individuellement ici. C'est pas la même chose. C'est pas à Jean qu'il a dit paix mes brebis. Il a dit à Pierre paix mes brebis. Il n'a pas dit paixer mes brebis. Donc ici, de façon spécifique, il y avait quelque chose. Lorsque tu étais avec lui dans ce contact là, il y a quelque chose qu'il lui a dit. Quand il tournait, on dit à celui-ci, il n'a pas dit ok, paix aussi mes brebis. Vous remarquez, n'est-ce pas? Il n'a pas dit paix aussi mes brebis. Il a dit que si je désire qu'il demeure pour que je jusqu'à ce que je vienne, que tu es ensemble. Vous voyez ce qu'il vient de lui dire? Il a donné sa mission à lui. À cet instant, en se tournant pour dire, c'est le désir qu'il revient, qu'il soit vivant jusqu'à ce qu'il revienne. Vous remarquez que la personne à qui il a dit, c'est la dernière personne qui était morte. Vous remarquez tout son monde, sauf lui. Déjà, on a chicoté les gens, chicoté, coupé la tête de lui. On a même mis dans lui, préparé, ça n'a pas donné. On a dit que c'est un grand sorcier, c'est un balancé qui est chez le Guantanamo là-bas, qui reste là-bas. Et justement, Christ est venu le voir là-bas pour le visiter, pour donner les choses de sa venue. Vous voyez ça, frère? Alors, donc, voilà sa mission à lui. Mais maintenant, regardez ces deux personnes, Pierre. Quand Pierre rencontrait les paralytiques là-bas au temple, il dit, c'est que j'ai, je te donne. Jean, lui, n'avait pas ça. Alors, c'est pour dire quoi? Nous sommes tous en Christ, chacun a une grâce particulière. La même Bible, les appels différents, destinés différents, même objectif pour la gloire du royaume. Alors, donc, vous voyez effectivement qu'on ne peut pas vouloir imiter quelqu'un. On ne peut pas vouloir imiter, faire comme tel ou tel, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans. Vous me suivez, frère? Alors, il faut que chacun aille dans la Bible, rester dans la Bible. On nous allons attendre que les autres viennent, ou le frère vienne avant qu'on continue, d'accord? Une pause, c'est pour ça, tout à l'heure. Souvenez-vous, on est dans 1 Pierre, 1 Timothée, chapitre 4. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Seigneur, pour te louer, Seigneur Jésus, et voici pour toi. fidèle dans tes promesses. Je te bénis, Père. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. utangaina koma kosambela utangaina koma mo Kristo kimia na motema komo echange na koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu natika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema. Utanga inatika masumu, utanga na kangama na nzambe. Kimia na motema, na kole mbate. Edikia na ngase na Yesu mwana nzambe. Na kombo na Yesu, ilimo ya mindo miko kima. Na kombo na Yesu, moto ya lola moko kita. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, molo totelaka motema, oye to sanjolaka. Ilo bana nzambe, yembe ya pesa kabomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, meko salela yeo, na kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu, ikonzi ya bombo inanga, aye na koyemela. Mui ya bose mbonyo so asalaka yango ndesengeli, na kombo na Yesu, na koma mosantu ya nzambe. Elombe ya bwanya, maloba na yende bongito yoka, na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya na mo Kristu, somi ya bokonzi na nzambe, oye na kukumisa. Lipana bomo ya nima kukufa likolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motema, atondisa kembo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Bana nzambe, kolo totelaka motema, oye to sanjolaka. Lilo bana nzambe, yende apesa kabomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Yesu nguya na ngamo Kristu, somi ya mbokonzi na nzambe, oye na kukumisa. Lipa na bomo ya nima kukufa likolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motemi, atondisa kembo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kombo na Yesu tolongi masumu. Kimia na motema. Na kombo na Yesu tokomi basantu. Kimia na motema. Yesu somi nalola likonji na motu. Kimia na motema. Lombe mobali moninga malamu. Kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema.